Donc aujourd'hui, bah, merci d'être venus nombreux pour écouter Pierre, qui est un de nos habitués, hein, qui fait partie bien sûr du CIRA et de l'association Les Attrapes qui gère le local. Pierre a été pendant 40 ans directeur de recherche en éthologie des oiseaux et mammifères au CNRS et pendant 13 ans directeur d'un laboratoire CNRS de terrain en écologie des animaux sauvages. Avec ses collaborateurs, il a décrit 5 nouvelles espèces d'oiseaux, réalisé le premier suivi au monde d'un oiseau par satellite, obtenu la création de la plus grande réserve naturelle de notre pays, je suppose que c'est dans la zone sud, les îles Crozet et compagnie. Tu as passé un sacré bout de temps en plusieurs missions, mais en Antarctique. C'est 8 ans et demi. 8 ans et demi dans les zones glacées de l'Antarctique, mais aussi en forêt équatoriale du côté du Gabon. Alors, le nombre d'articles que tu as écrits est impressionnant. On ne va pas les compter, parce que là, il y avait marqué 130, mais ça va être 230. Plusieurs films, donc un qui s'est fait voler son scénario, c'était La Marche de l'Empereur, mais... Ça, il aurait pu toucher des royalties, mais c'est raté. Et puis surtout, là, depuis qu'il est à la retraite, c'est un boulimique de lecture et d'écriture. Et il nous écrit des livres. Donc, alors, les livres, c'est ceux de la bibliothèque. Si vous n'avez pas déjà tout lu les œuvres de Pierre, vous pouvez les trouver assez facilement chez tout bon libraire. Donc, je ne vous recommande pas les libraires de Marseille, vous pouvez les commander... sans problème. Donc, et à chaque fois, Pierre est venu nous les présenter ici. Donc, mais pas seulement les livres, puisqu'on va voir aujourd'hui, il peut nous parler de livres qu'il n'a pas encore écrits. Donc, en 2001, c'était Confession d'un primate. Ça racontait un peu différentes rencontres avec différents animaux. Donc, le livre est paru en 2001 en édition normale et il est ressorti en poche en 2016, tout récemment. Après, il a raconté son expérience de vie avec une louve qu'il avait récupérée toute petite et avec qui lui, sa compagne et ses enfants ont vécu dans un appartement. Une expérience intéressante. Après, tu as écrit un bouquin où tu comparais loup, chat, chien, homme ou chat, chien, homme. Le livre s'appelle « Trois prédateurs dans un salon ». Après, tu t'es intéressé à Darwin, la face cachée de Darwin. Et puis, maintenant il y a 2 ans, L'homme, cet animal raté, c'est le bouquin que tu es venu nous présenter l'an passé. Et à la fin, bon, il y a eu une discussion passionnante à la suite de ce bouquin. Et pendant le débat, et en discutant avec Marie-Yvonne, est venue la question, l'homme est-il libre ou programmé? Donc on a programmé cette question pour aujourd'hui, et je te laisse la parole. Bravo. Bonjour. Alors, en fin de compte... C'est la première fois que je fais cet exposé, c'est uniquement à la demande de Marie-Yvonne et simplement l'année dernière, là, quand j'ai fait mon exposé sur le dernier bouquin, je lui disais c'est vachement important, l'idée est acquise, ça, c'est pas seulement un problème de biologie, c'est un problème général qui conditionne toute la philosophie, la politique, etc. Et donc elle me dit il faut absolument que tu fasses un exposé là-dessus l'année prochaine, et donc c'est comme ça que je le fais. Alors je vais essayer d'être clair, mais je suis un peu fatigué parce que je suis à ma 4e conférence débat de la semaine. Mais enfin bon, j'espère que j'arriverai à... vous voyez tous derrière, oui. Oui. Oui. Problème. Voilà. Bon, alors en réalité, là, c'est une question piège. C'est-à-dire, évidemment, chez des libertaires, l'homme est-il libre ou programmé? Bon, évidemment, tout le monde va répondre, non, mais je suis absolument pour la liberté de l'homme. Bon. Et en réalité, c'est un piège, puisque je vais vous montrer que c'est pas si simple. Et qu'en réalité, on sait qu'il y a des réflexes physiologiques. Hein. Par exemple, le réflexe là, du genou, qui s'appelle, le réflexe ostéotendineux. Et puis, vous savez que tout enfant, on ne lui apprend pas à téter, il le sait. Donc, il n'y a pas que de l'acquis chez l'homme, il y a aussi de l'inné. Alors, bon, c'est pas pour la téter, c'est assez facile à voir. Il y a des tas de choses qui sont innées chez l'homme, mais qu'on voit beaucoup moins, parce que c'est des pulsions, mais c'est pas obligatoirement très net. Mais enfin, la sexualité, tous ces trucs-là, le pouvoir, peut-être. En tout cas, ça peut être inné, en tout cas une partie. Alors le problème, c'est que l'homme, c'est une espèce spéciale. C'est vrai que j'avais fait ce bouquin, je suis coulé. Oui. Non, non, non. Oui, c'est celui-là. J'ai essayé de montrer qu'en réalité, l'homme, ce n'est pas seulement un être, un ordinateur, c'est pas un être uniquement rationnel comme on l'a présenté dans les Lumières, et comme les anarchistes, en fin de compte, sont les héritiers de cette tradition, c'est-à-dire que l'homme doit avoir toute liberté, il doit pouvoir décider de tout, et en effet, il décide de beaucoup de choses, mais il ne décide pas de tout. Et ce qui est original chez l'homme, c'est que, en fin de compte, il a évidemment un peu d'inné, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer, et puis d'autre part, il a énormément d'acquis, c'est-à-dire de culture. Alors on présente ça toujours comme un truc positif, évidemment, c'est ce qui nous permet, on a eu un développement du cerveau assez extraordinaire, on a presque quadruplé le volume du cerveau au cours de l'évolution, là, depuis qu'on est des primates, et les homos d'abord, Erectus, etc. Et puis donc, en fin de compte, on a des capacités d'acculturation, d'apprentissage qui sont gigantesques. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on a tellement de capacités de cerveau que, par exemple, il y a eu toute une astuce qui a été faite. Alors moi, je vais parler en tant que biologiste avant tout. Mais en fait, ça, vous allez voir que ça allait retomber aussi sur tous les domaines. En réalité, on a un si gros cerveau que là, normalement, une femme ne pourrait pas mettre au monde un enfant qui a un cerveau si gros. Donc il a fallu que l'évolution trouve une astuce, c'est-à-dire qu'elle nous fait naître avec un petit cerveau qui grossit, qui continue à grossir ensuite. Donc en réalité, c'est assez curieux, c'est particulier à l'homme, cette astuce, c'est pour arriver à un énorme cerveau, mais qui normalement devrait empêcher tout accouchement. Donc c'est assez curieux. Alors, le problème, c'est que jusqu'à présent, on parlait de l'homme d'une manière rationnelle, cartésienne, etc. Et puis, on s'aperçoit que c'est pas aussi simple. C'est pour ça que j'ai fait ce bouquin d'ailleurs sur Darwin. C'est que, en réalité, on est aussi adapté à des situations qui sont en nous et qui font que même la nature du cerveau, par exemple, on en parlait tout à l'heure avec la, on a des tas de trucs qui sont organisés déjà, qui font qu'on pense d'une certaine manière, et il y a des théories qui, psychologie s'appelle la psychologie évolutionniste, c'est-à-dire ne pas seulement considérer qu'on est une ardoise, une argile vide sur laquelle on peut faire ce qu'on veut, mais qu'on a des programmations en partie, c'est-à-dire que par exemple, il y a des psychologues évolutionnistes qui disent, attention, on n'a pas la possibilité de juger d'une manière nuancer ce qui nous arrive parce que on a à l'époque où on était des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire que quand même, il faut replacer ça dans le contexte, c'est-à-dire que les chasseurs-cueilleurs, on l'a été pour simplement Homo sapiens. Alors je vous signale qu'Homo sapiens, il y a 6 mois, la durée d'existence c'était 200 000 ans. Et puis on vient d'apprendre que maintenant c'est 300 000 ans. Hein. Donc ils ont rajouté 50% comme ça. C'est un truc de fou, quoi, ce qui provient d'ailleurs l'évolution des connaissances. C'est-à-dire qu'avoir augmenté de 50% la durée de l'existence de l'homme, d'Homo sapiens, pas de l'homme, il y a plusieurs hommes hein, en réalité. Nous, l'homme moderne, on dit, eh bien, on vient de lui rajouter 100 000 ans de maintenant 300 000 ans. Mais sur les 300 000 ans, on est à 290 000 ans des chasseurs-cueilleurs. Et depuis 10 000 ans, on a la révolution néolithique, c'est-à-dire qu'on devient d'un seul coup. On découvre l'agriculture et l'élevage, et là, on se sédentarise, on change complètement, c'est pour ça qu'on appelle ça la révolution néolithique, on change complètement de mode de vie. Alors, ça, c'est la conférence que j'ai faite il y a 2 jours. Et donc, là, ça serait intéressant d'ailleurs d'en parler, si ça vous intéresse, je dois avoir dans mes diapos, si on me pose des questions à la fin, je vous expliquerai ça, la comparaison entre le paléolithique et le néolithique, c'est-à-dire moins 10 000 et puis tout le reste, c'est-à-dire 290 000, vous allez voir que c'est une révolution qui a d'ailleurs des retombées gigantesques sur la théorie anarchiste en particulier. Enfin bon, c'est-à-dire qu'en réalité, ça permet de comprendre comment on a d'un seul coup basculé et que l'armée, la police, l'État et des tas de choses qui n'existaient pas avant sont apparues. Enfin bon, compris, c'est pas l'objet du débat. En tout cas, ce que je voulais simplement dire, c'est que ces gens-là, ces psychologistes évolutionnistes, ils disent que on est programmé dans le cerveau On a tellement longtemps été des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire de prendre des décisions très rapides sur des problèmes concrets, qu'on n'arrive pas à faire du gris, on fait du noir ou du blanc. C'est-à-dire on switch. Et donc, on est toujours entre deux trucs. Et donc, on a un esprit binaire qui fait que, même quand il y a des tas de transitions, on veut absolument avoir un côté ou l'autre. On ne peut pas arriver à trouver des finesses. Et quand on fait des analyses en profondeur, on s'aperçoit que c'est bien plus compliqué, mais qu'on nous fait toujours des choix faux. Et donc, on ne peut pas y arriver. On ne peut jamais dîner l'acquis, par exemple, c'est le même mot. Alors, voilà des beaux exemples. Dieu le diable, paradis l'enfer, civilisation barbarie. Civilisation barbarie, c'est pas aussi simple. Hein. Civilisation, bon, c'est simple depuis 5000 ans, disons. Barbarie avant, c'était pas obligatoirement la barbarie. C'était un mode de vie de chasseur-cueilleur dont certains, même des ethnologues, considèrent que c'était beaucoup mieux. En tout cas, il y avait 3 heures de travail par jour dans cette barbarie. Et maintenant, il y en a, depuis moins de 10 000 ans, il y en a à peu près 9 heures en moyenne. Bon. Alors, homme, animal, voilà. C'est un paradis. Mais oui, il y a un bouquin de Marshall Chaline qui dit d'ailleurs, comment ça s'appelle ? Âge de pierre, âge d'abondance. Voilà, âge de pierre, âge d'abondance. Qui dit qu'en réalité, le paradis, c'était avant. Et moi, j'ai même une théorie, ça nous amènerait trop loin, qui dit que l'anarchisme, c'est pas dans le futur, c'est dans le passé. Mais bon, passons. En tout cas, homme-animal, voilà encore une fausse distinction complètement farfelue, parce que, réfléchissez, scientifiquement, l'homme est considéré comme un animal. Comment peut-on être à la fois dehors et dedans ? C'est pas possible. Donc en réalité, on nous fait choisir entre l'homme et l'animal. En plus, qu'est-ce que ça veut dire un animal ? Est-ce qu'on est un insecte ? Est-ce qu'on est une bactérie ? Est-ce qu'on est un éléphant ? Vous voyez, c'est des fausses catégories sur lesquelles toute la civilisation occidentale est bâtie. Attention, hein. Parce qu'actuellement, on nous a opposé, ça fait 2000 ans ou plus, qu'on nous oppose à la nature et aux animaux. Et donc, c'était déjà dans la Bible, hein, dans les trois monothéismes, on nous dit, croissez et multipliez, et puis on nous dit aussi, vous serez le maître de la nature, des animaux, et vous devriez les dominer. Bon. Et puis, après, vous avez Descartes qui, lui, enlève la partie strictement religieuse, trop étroitement religieuse, fait une sorte de religion scientiste, c'est-à-dire il simplifie la science, on entre dans un monde de logique, et donc on va vers le progrès, c'est-à-dire le progrès, il n'y a pas d'opposé, après le progrès, il y a Élisée Reclus qui avait inventé le mot régrès, parce qu'il n'arrivait pas, il n'y avait pas d'opposition. Donc en réalité, vous voyez, instinct intelligence. Bon, alors vous avez toute une classification qui fait que l'homme s'oppose au reste du monde, c'est-à-dire qu'une espèce contre le reste du monde. Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire l'animal ? Montrez-moi une image d'animal, ça n'existe pas. En réalité, comment voulez-vous mettre dans le même tiroir des bactéries avec des éléphants, avec des insectes, avec des oiseaux, ça ne tient pas la route. Donc en réalité, on est entré là-dedans, mais c'était très efficace. Pourquoi ? Parce que quand vous opposez l'homme à l'animal, d'abord vous dites « je suis le plus intelligent, je suis le plus doué, j'ai la technologie, etc. » J'ai la civilisation, j'ai produit beaucoup de richesses, et par contre, les autres, les animaux, ben c'est des idiots, et c'est normal donc qu'on puisse les tuer, les manger, les faire travailler, etc. Donc il y a tout un arrière-plan qui est super efficace dans un premier temps, parce qu'évidemment, quand vous exploitez la nature, ben, vous arrivez à avoir beaucoup de rendements, beaucoup de résultats, et donc vous pouvez nourrir beaucoup de monde, et vous avez le problème parfois de surpopulation. Ce qui nous est arrivé. Mais par contre, vous êtes dans une position qui est très, très favorable, mais il faut voir aussi qu'il y a, c'est un peu comme si vous preniez, pour reprendre une comparaison bancaire, si vous prenez que les agios, bon, vous arrivez à garder votre capital infiniment, mais si vous tapez dans le capital, ça va s'arrêter. Et à mon avis, je pense qu'actuellement, la crise écologique, c'est justement ce problème, c'est-à-dire qu'on se trouve maintenant devant une impasse. Bon, à l'époque, quand il y avait le débat entre Rousseau et Voltaire, ben, ça paraissait évident que Voltaire avait raison. On allait vers le progrès, la civilisation, l'intelligence, la liberté, etc. Et puis, Rousseau passait pour un idiot. Pourquoi ? parce qu'il sortait des trucs qui n'étaient pas applicables, il annonçait des problèmes de civilisation alors qu'on était en plein développement et que ça marchait très bien, qu'on était à l'aube de la civilisation industrielle. Et donc, en fin de compte, il est évident qu'on devait donner raison à Voltaire contre Rousseau. Si maintenant le débat avait lieu à nouveau, je ne suis pas sûr que ça sera aussi simple, parce qu'en fin de compte, maintenant, Rousseau a beaucoup de... Bon, il avait des raisons religieuses, bon, je n'entre pas dedans, ce n'est pas l'objet, mais en tout cas, Rousseau, maintenant, défendrait beaucoup mieux sa position qu'à l'époque. Et puis alors, vous avez aussi l'opposition classique sur laquelle est basée une bonne partie de notre civilisation, c'est-à-dire l'opposition nature-culture, qui est un peu la même histoire que l'instinct-intelligence. C'est-à-dire l'instinct, c'est pour les animaux, l'intelligence, c'est pour l'homme. Bon, évidemment, il est bien évident que les animaux, maintenant, moi je suis éthologiste, donc j'ai participé à ces trucs-là. Depuis 50 ans, on trouve tous les mois de nouvelles capacités intellectuelles aux animaux et aux sentiments. Et on s'aperçoit que, comme disait Darwin, d'ailleurs il y a 50 ans, Darwin disait la différence entre l'homme et les autres espèces, ce n'est pas une différence de nature, c'est une différence de degré. Et donc, en réalité, il y a ce que Darwin et maintenant on appelle le continuisme, c'est-à-dire que ça continue en réalité, il n'y a pas de coupure. Quand on voit un chimpanzé, évidemment, on voit bien qu'il est proche de nous, que c'est physiquement, intellectuellement, il y a des tas de trucs qu'il arrive parfois mieux à faire que nous, d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu la télé, là. Quand sur un écran, il doit marquer à toute... il doit pointer avec le doigt toute une série de nombres qui apparaissent, eh bien, un chimpanzé le fait 4-5 fois plus vite que nous, et même nous, on n'arrive pas à suivre tellement ça va vite. En réalité, pourquoi? Parce que, manifestement, les chimpanzés ont une mémoire à court terme qui est beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus efficace que la nôtre. Et donc, on n'arrive pas à suivre. Donc, même dans un domaine intellectuel comme celui-là, on n'est pas à niveau. Par contre, évidemment, sur l'abstraction, sur le langage, c'est vrai qu'on a un langage qui est beaucoup plus compliqué et qui permet beaucoup plus de nuances que bien des animaux. Mais tous les animaux ont un langage. En tout cas, c'est complètement naïf et faux, maintenant on le sait, d'opposer l'intelligence de l'homme à l'instinct animal. En réalité, tous les animaux et surtout les vertébrés qui ont un gros cerveau ont une certaine intelligence. Et d'autre part, l'homme a un peu d'instinct quand même, c'est pas aussi simple qu'on le croyait, on opposait d'une manière trop simpliste. Et nature et culture, c'est pareil. Nature, en fait, d'ailleurs, c'est une autre manière de dire la même chose, comme animal, c'est-à-dire nature, c'est un peu l'instinct, la culture, c'est le développement, l'apprentissage, et en réalité, on n'est pas capable, on s'en rend compte maintenant, toutes les études de psychologie récentes montrent qu'en réalité, on n'est pas capable d'apprendre n'importe quoi. On a déjà, d'ailleurs, vous le voyez même à l'échelle individuelle et pratique et simple, vous voyez qu'un enfant à 4 ans, il apprend mieux à la rouler qu'un milliard, c'est évident. Et donc, en réalité, il y a des époques, il y a des périodes favorables, et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et donc, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, vous n'apprendrez jamais aussi bien, vous n'aurez jamais un si bon accent en anglais, si vous apprenez ça très tard. Alors, l'inné et l'acquis, évidemment, on est en plein dedans. Parce que là aussi, vous avez l'inné contre l'acquis. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais, c'est pas binaire, c'est-à-dire qu'il y a toutes les intermédiaires, les stades de passage entre l'inné et l'acquis. Et d'ailleurs, dans quelle mesure l'acquis n'est-il pas inné? Enfin bon. En tout cas, donc, ce que disent ces gens-là, c'est qu'on a un cerveau binaire et décisionnel, mais pas aussi rationnel qu'on le croit. C'est-à-dire que nous, on est parti dans une vision du monde qui est celle des Lumières, qui est celle du rationalisme, etc. Et surtout dans les milieux socialistes, communistes, etc., anarchistes, on est parti de cette idée que l'homme est un être rationnel et qui doit, dans la mesure où il a cette liberté, décider de sa vie. Bon, c'est en partie vrai, bien sûr, et c'est vrai qu'on est l'animal, l'espèce qui a le plus de liberté, entre guillemets, mais on n'est pas absolument libre, et justement, ce qui est actuellement l'évolution des dernières connaissances, ça, dans le domaine de psychologie et éthologie, c'est qu'en réalité, on a des possibilités qui sont déjà biaisées, c'est-à-dire qu'on n'apprend que comment on a été programmé, c'est-à-dire qu'en réalité, d'ailleurs c'est pour ça que je vous disais, que dans quelle mesure l'acquis n'est-il pas inné, c'est-à-dire que vous avez des animaux qui n'arrivent pas à apprendre, Parce que, par exemple, les insectes, il y a beaucoup d'innés et très peu d'acquis. Vous avez une espèce comme la nôtre, où il y a beaucoup d'acquis et très peu d'innés. Mais vous avez des espèces qui ont une partie, donc c'est le cas général. Bon, alors évidemment, là on tombe sur l'éducation, l'agriculture, là c'est un mieux. Les anards doivent connaître ça, là, un dessin de l'en dehors, armand, l'anarchiste individualiste. Et donc, vous voyez, ceux qui vont vers l'usine, ceux qui vont vers la mairie, je suppose, et donc ceux qui vont vers l'église, donc la religion, caserne. Etc. Caserne. Bon, pardon. D'accord. En tout cas, c'est déjà, du fait qu'on a une telle facilité culturelle, on peut nous faire croire n'importe quoi. Et donc, si on est suffisamment convaincant, on avale n'importe quelle couleur. On le voit en ce moment dans cette société où, justement, on est en train de nous faire avaler beaucoup de choses. Alors, dans la religion, la morale, c'est pareil. Vous avez la définition du bien et du mal. Mais qu'est-ce que c'est le bien et le mal? Ça dépend où on se trouve. C'est-à-dire que pour le djihadiste ou pour le catholique intégriste, c'est pas le même que le mien. Donc, en réalité, ceci dit, ça a beau être très souple chez l'espèce humaine et avoir des tas de possibilités, justement, suite à ce que je vous ai dit, il y a actuellement en éthologie toute une évolution des recherches qui montrent qu'en réalité, la notion de morale se trouve déjà en germe chez l'animal. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des tas d'expériences qui se font en ce moment, on donne, par exemple, le choix à des rats. On met deux rats dans une cage, et puis il y en a un qui est déjà enfermé, à l'intérieur de la cage, dans un autre truc. Mais il est visible. Et donc, le rat qu'on rajoute, il voit l'autre qui se débat et qui essaie de sortir, et puis il a du chocolat à côté. Et bien qu'est-ce qu'il fait? Il commence par libérer l'autre. Donc en réalité, c'est assez surprenant, parce qu'évidemment, on se dit, d'office, il va prendre le chocolat, ce qui paraît assez logique. Et bien non, en réalité, il commence par libérer l'autre. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Alors je passe là-dessus, hein, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a plein d'expériences actuellement qui montrent que c'est bien plus compliqué, qu'en réalité, la notion de morale est déjà sous-jacente. On donne aussi à des jetons, à des singes, par exemple, ou à des chiens. Des chiens aussi, ça a été fait beaucoup, ce genre de truc. Et par exemple, un chien, vous lui faites la blague, vous avez deux chiens. Vous avez un chien que vous nourrissez, que vous, quand il fait, vous lui dites, vous lui faites lever la patte, par exemple, je ne sais pas quoi, ou se mettre assis, couché, etc. Et puis, vous le récompensez. Et à un, vous lui donnez une belle récompense, et à l'autre, rien du tout. Au bout d'un moment, il refuse de coopérer. Il arrête. Il se tourne, il ne veut plus travailler. Et donc, vous voyez qu'il y a déjà, des problèmes qui commencent à se poser. Par contre, si vous donnez aucune récompense aux deux, là, ils travaillent. Donc, vous rendez compte qu'on entre dans la morale d'une manière tordue, quoi. Parce que là, c'est pas la philosophie, c'est les animaux, hein. Alors, là, vous voyez que l'animal et l'homme, c'est pas le et pareil pour l'instinct et l'intelligence. Vous avez entendu parler de la théorie de l'animal-machine de Descartes, hein. Et donc Descartes il disait ce qui était complètement naïf, enfin maintenant ça nous paraît complètement idiot. Il disait l'animal ne pense pas. Alors l'animal, déjà la définition, je vous l'ai dit, c'est qu'est-ce que ça veut dire l'animal. Et enfin il disait l'animal ne pense pas. Il ne parle pas, parce qu'il ne parle pas, et donc il ne ressent rien. Et je vous signale que, bon, c'est Descartes, c'est 1600, mais je vous signale qu'en 1960, on soignait les enfants sans les endormir, parce qu'on considérait qu'ils ne souffraient pas. Donc c'est pas 1600, hein, c'est 1960. Et donc maintenant, ça paraît une énormité, mais c'est juste avant, quoi. Et donc, cette théorie de l'animal-machine, c'était évidemment idiot, maintenant on le sait, c'est pas aussi simple, mais en tout cas, ça a conditionné toute notre vision du monde, et jusqu'à récemment, et peut-être même maintenant encore, il y a des gens qui pensent toujours ça, qui ont une vision très simpliste, c'est-à-dire l'animal c'est rien du tout, et nous on est des cerveaux omniscients, et on arrive à tout. Alors que là, j'ai mis cette petite dessin, c'est l'histoire d'un anse d'abeille, dont vous avez sans doute entendu parler, c'est-à-dire que l'abeille, à la sortie de la ruche, elle prend l'angle entre le soleil et puis le butin, c'est-à-dire la fleur. Et cet angle alpha, par exemple, eh bien, quand elle est dans le noir sur un support vertical, sur un rayon, eh bien, elle fait une danse en 8, et la partie du milieu médiane de la danse, c'est le même angle, c'est-à-dire que ça indique à celles qui sont derrière et qui sont dans le noir, en suivant celle qui fait la danse, quel angle il faut prendre en sortant de la ruche. Donc, alors qu'une abeille, c'est un cerveau gros comme une tête d'épingle. Donc, vous voyez, et là, c'est pas en raisonnement, mais en tout cas, l'abeille est programmée pour arriver à des trucs qui sont pareils, qui semblent de l'abstraction des mathématiques. Alors, donc, en réalité, on a le problème qui est un débat continuel qu'on a encore actuellement, c'est-à-dire l'opposition entre nature et culture. Alors là, on n'en sort plus. C'est-à-dire qu'actuellement, vous avez un tas de problèmes. Vous avez parlé avec Elisabeth Van Inter qui vous dit que l'instinct maternel, ça n'existe pas chez la femme. Bon, moi, je ne suis pas d'accord et je pense que l'endocrinologie prouve le contraire. Et en tout cas, c'est ce que disent les endocrinologues, les biologistes. Alors, on a aussi dit que la différence entre l'homme et l'animal, c'est la culture. En fin de compte, on sait que c'est faux maintenant. Pourquoi ? Parce que alors là, je vais faire une petite historique rapide. Dans les années 70, il était considéré justement que l'homme avait la culture et c'est ce qui était le propre de l'homme. Alors que les animaux n'avaient pas de culture. Et donc, on ne cherchait même pas chez les animaux, puisque de toute manière, ça ne pouvait pas exister. Donc, le problème ne se posait pas. Le hasard a fait que des chercheurs japonais, et pourquoi japonais ? Parce que les japonais, ils ont une tradition, une religion ancienne, primitive, avant le bouddhisme, qui était la religion Shinto. La religion Shinto, vous participez à la nature et vous êtes des animaux vous-même. Et en fin de compte, moi je les ai vus quand ils venaient en avion en Australie regarder les manchots. Pour eux, c'était des petits lutins, c'était plus des oiseaux, quoi. Et donc, ces gars-là, ils ont une vision qui n'est pas du tout la même que la nôtre, où nous, on sépare complètement l'animal et on considère que ça n'a rien à voir avec l'homme. Et donc, ces Japonais, eux, ils n'avaient pas d'a priori, et ils avaient sur leurs îles autour du Japon, ils avaient des macaques qu'ils observaient, qu'ils étudiaient, et ils se sont aperçus que, par exemple, quand on leur donnait des pommes de terre, et que ça tombait dans le sable, eh bien, ils allaient les mettre dans l'eau, dans la mer, puisqu'ils étaient au bord de la mer, et puis après, ils mangeaient, et puis après, ils ont trouvé que c'était très bon, que ça donnait du goût, et donc, ils salaient tous leurs aliments. Donc, ils ont décrit ça, tous les chercheurs mondiaux ont dit, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est, les animaux qui ont une culture, c'est pas possible. Bon, ça, c'est dans les années 70. Et maintenant, tous les mois, il y a une nouvelle culture qui est trouvée chez une espèce différente. Donc, en réalité, quasiment tous les animaux ont des cultures. Ils n'ont rien d'inné complètement. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ont une part d'inné. Par exemple, un loup, il a des tas de choses qui sont innées, qui fait de la même manière. Mais il a, après, un complément culturel. C'est-à-dire que, par exemple, il ne sait pas, le loup, devant qui il va se trouver dans la chasse. C'est-à-dire qu'il va se trouver devant telle proie ou telle autre proie. Et il ne sait pas quelle technique employer. Et donc, il va regarder les aînés, c'est-à-dire les plus âgés, qui eux connaissent les techniques. Et pendant 2-3 ans, il sert d'apprenti, c'est un élève. Et donc, il regarde ce qui se passe. Et il a beau avoir toutes les techniques pour saigner une bestiole, l'attaquer, etc. Il apprend. Et donc, en réalité, tous les animaux ont une part de culture. Et donc, c'est pas du tout ce qu'on a opposé, c'est-à-dire la culture pour l'homme et l'instinct pour l'animal. Alors voilà des exemples de culture en bas, là, à gauche. Vous voyez ce que je vous racontais, le macaque qui est en train de saler ses légumes. Et en haut, vous avez une des premières découvertes de la culture chez les animaux, c'est-à-dire les mésanges en Grande-Bretagne dans les années 40. Mais à l'époque, on n'osait même pas parler de culture, on parlait de proto-culture, c'est-à-dire de culture simplifiée, quoi. Et donc, vous voyez que les mésanges, elles ont, comme en Angleterre, ils mettaient les bouteilles de lait devant la porte, ils ont découvert qu'il fallait taper dans le bouchon, là, dans la petite couverture, et puis on arrivait à avoir la crème. Et donc, d'une part, il y en a un ou plusieurs qui ont trouvé cette astuce, et puis après, les autres qui ont regardé, ils se sont dit, ouh là, c'est intéressant, on fait pareil. Et après, d'un seul coup, dans toute la Grande-Bretagne, ça s'est parti comme une traînée de poudre, tout le monde a copié le Wader, et tous sont devenus des spécialistes pour trouver les... Et donc, en réalité, voilà, ça c'était culturel, c'était bien évident. Comment voulez-vous que la nature ait prévu qu'il y ait des bouteilles de lait? Et là, on a un chimpanzé, c'est Jean Goudal en particulier, dans les années 70 aussi, qui a montré ça en premier, mais maintenant c'est archi connu. C'est les chimpanzés qui utilisent un caillou ou un petit bâton pour envoyer ça dans les termitières, récupérer les insectes, et puis après ils mangent. Ou alors ils broient des feuilles, ils en font une sorte d'éponge, et puis comme ça ils peuvent prendre de l'eau, et puis après ils boivent. Donc en réalité, ce qu'on croyait être spécialiste de la spécialité humaine, c'est pas du tout une spécialité humaine. C'est simplement l'homme a développé ça d'une manière incroyable, bien plus forte que les autres animaux. Mais c'est ce qui a expliqué d'ailleurs toute la technique, le don qu'on a pour la technique. Mais en tout cas, ça existe chez l'animal. Alors, en fin de compte, qu'est-ce qui est vraiment particulier chez l'homme? C'est sa capacité à la culture. C'est-à-dire que l'homme est vraiment un animal culturel. C'est-à-dire qu'il a, non pas qu'il n'ait pas d'instinct, mais il a beaucoup plus de culture, entre guillemets, au sens capacité culturelle, d'apprentissage, que les autres animaux. Alors, pareil, on en arrive maintenant à l'inédaki. Vous voyez d'une part, à gauche, alors je ne sais pas si vous arrivez à suivre, là, dans le fond, mais vous avez une astuce qui a été trouvée ensuite. Je vous ai raconté l'histoire dans ces abeilles, mais on a fait mieux, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'est-ce qui se passe si on ferme la ruche. C'est-à-dire que là, parce que le soleil continue à tourner, donc l'angle se modifie. Vous vous rappelez l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, c'est-à-dire l'angle entre le butin et le soleil. Mais si vous fermez la ruche et que vous attendiez une heure, évidemment le soleil n'est plus au même endroit. Donc il faut corriger l'angle. Et c'est ce que font les abeilles. C'est-à-dire que quand elles sont dans leur ruche et qu'on les coince dedans, au fur et à mesure, elles remettent la pendule à zéro, elles s'adaptent avec le temps qui passe pour modifier l'angle, pour donner des bonnes instructions aux autres abeilles qui les suivent et qui ensuite doivent trouver le butin et participer au butinage. Donc déjà, vous voyez que là, est-ce que c'est de l'inné? Bon, c'est de l'inné, mais il y a quand même, c'est à la limite de l'acquis. Hein. Et là, plus intéressant, vous avez un chimpanzé qui est en train d'apprendre à parler. C'est-à-dire, un chimpanzé, on a longtemps dit, ils sont incapables de parler, c'est pas possible, parce que... Et en effet, un couple de psychologues ont eu des chimpanzés à la maison, qu'ils ont élevés comme un enfant. Au bout de plusieurs années, ils sont arrivés à lui faire dire quatre mots maladroitement. Donc, on s'est dit, c'est pas possible, ils n'ont pas le cerveau assez gros, etc. Moi, quand j'ai commencé mes recherches et mes études, tout ça, c'était la thèse admise, c'est-à-dire que le cerveau des chimpanzés ne leur permet pas de parler. En réalité, il y a un autre psychologue qui a été plus malin, qui s'est dit, non, il y a un problème avec ils n'ont pas la souplesse verbale, la plasticité verbale qui leur permet de parler comme nous, mais par contre, ils se servent beaucoup de leurs mains. Donc, il leur a appris le langage des sourds-muets. Et là, d'un seul coup, paf, incroyable, on est arrivé à élever des chimpanzés qui arrivaient à expliquer tout, qui faisaient des phrases, qui faisaient avec des verbes compléments, etc. Alors, qui avaient des vocabulaires de 300-400 mots. Alors, il paraît que j'ai lu dans des trucs qu'une concierge en avait 500, je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas juste pour les concierges. En tout cas, on s'est rendu compte qu'en réalité... En réalité, les chimpanzés sont tout à fait capables, mais ils n'ont pas la capacité. Alors, il y a plusieurs raisons. On a dit, bon, c'est parce qu'ils n'ont pas le palais qui s'y prête, etc. En réalité, c'est plein de choses. Maintenant, on en sait plus. C'est plus que ça. C'est-à-dire, non seulement ils n'ont pas le palais qui s'y prête, ils n'arrivent pas à moduler les sons, mais en réalité, maintenant, on s'aperçoit que c'est moins. Ils modulent quand même plus que ce qu'on croyait. Mais aussi dans le cerveau, ils n'ont pas certaines chaînes qui permettent de moduler les sommes. Donc c'est compliqué. En tout cas, vous arrivez à la limite du langage humain. Parce que quand vous avez un chimpanzé, par exemple, comme ça, qui, on cite l'anecdote classique du chimpanzé qui s'engueule avec son soigneur, qui s'appelle, je ne sais pas moi, John, par exemple, et qui lui dit, alors que personne ne lui a jamais expliqué, sale John. C'est-à-dire qu'il passe du propre figuré, hein, attention. Hein. Donc là, ou bien alors il lui manque le mot. Il lui manque le mot et il faut qu'il raconte, par exemple, il voit un oiseau, un cygne, mais il n'a pas le mot cygne. Bon, il dit oiseau blanc dans l'eau. Il fait une association de quelques mots. Donc vous voyez qu'en fin de compte, là aussi on ne sait plus est-ce que c'est. Alors en réalité, le langage le propre de l'homme, bon, évidemment, un langage aussi sophistiqué que le nôtre, c'est pas habituel, ça c'est sûr. Mais par contre, tous les animaux communiquent, tous les animaux ont un langage, et vous avez donc le chimpanzé qui a quand même un assez gros cerveau, qui arrive à comprendre beaucoup de choses et qui peut avoir donc et tenir des conversations. Hein. D'abord, c'est un peu comme un enfant, quoi. Alors, un autre problème, une autre approche du problème inéquit, ça a été avec les enfants sauvages, ce qu'on appelait les enfants sauvages. Par exemple, à l'époque, Rousseau, c'était un petit malin, Rousseau, il se disait, mais si on explique, si on apprend à un singe, on va peut-être lui apprendre à parler. Bon, je vais vous expliquer que ce n'était pas possible. Mais il se posait le problème. Et puis, on ne savait pas exactement s'il n'y avait pas des enfants sauvages. Alors, vous avez peut-être entendu parler de Kamala. Kamala, c'est le nom de mon bouquin. En tout cas, c'était soi-disant, enfin, en réalité, c'est une maison horrible. Mais bon, c'était en réalité un directeur d'orphelinat qui avait plus de fric et qui a pris des enfants autistes et qui a raconté qu'il les avait récupérés dans une tanière de loups et que donc c'était des enfants loups. Mais en tout cas, on s'est souvent posé le problème, et dans le cas de l'exemple que je prenais, la Kamala, bon, ça c'est maintenant c'est reconnu que c'était pas la route, mais par contre, on connaît des tas d'exemples par ailleurs qui prouvent que quand même il y a une capacité de l'humain et même des animaux de faire des tas de choses. Par exemple, on a trouvé, c'est des cas sociaux, mais il en reste pas moins que ça, c'est pas inintéressant. Des gosses dont les parents ne s'occupent absolument pas, il est laissé avec les chiens. Ben, les gosses, ils aboyaient et ils marchaient à quatre pattes. Bon. Donc vous voyez qu'à peine, et on a trouvé, d'ailleurs, c'est un truc classique, on a retrouvé les enfants qui avaient été. Souvent, le problème, c'est que c'est très difficile à étudier d'une manière sérieuse, parce que vous avez souvent des enfants qui ont été rejetés parce qu'ils avaient un handicap, et puis après, ils se retrouvent avec des animaux. Donc ils apprennent des trucs, on ne sait plus quelle est la part de chaque chose. Et à l'époque, l'inné, je ne sais pas si vous connaissez en histoire naturelle, l'inné c'est celui qui a inventé la classification binomale, c'est-à-dire actuellement, quand vous avez une espèce, il y a deux noms en latin, homo sapiens, c'est-à-dire le nom de genre, c'est-à-dire général, et puis le nom d'espèce, sapiens. Eh bien, l'inné, il avait considérer qu'il y avait, à l'époque, ils n'avaient pas assez d'informations, donc ils voyaient des enfants justement comme ça, ils avaient classé une espèce intermédiaire entre le singe et l'homme, qui était l'homo ferus, c'est-à-dire l'homme sauvage. Bon, évidemment, c'est faux, il n'y a jamais eu d'espèce entre l'homme et les chimpanzés qui s'appellent l'enfant sauvage, enfin l'homme sauvage, mais en tout cas, le problème était posé. Bon, maintenant, on en sait beaucoup plus sur tous ces trucs-là. Alors, maintenant, arrivons dans les mécanismes du cerveau, et là, vous avez un anarchiste vraiment anticonformiste, c'est Noam Chomsky, qui est maintenant assez âgé, mais qui il y a 45 ans, oui, il a lancé l'idée de la grammaire générative, c'est-à-dire, alors que anarchiste, il était sur uniquement le culturel. Or là, il a dit, attention, on a dans le cerveau, c'est pas possible qu'un enfant apprenne si vite toutes les règles de grammaire, c'est trop compliqué. Il faut qu'il les ait déjà câblées dans le cerveau. Comme un appareil, un ordinateur ou je ne sais pas quoi. En réalité, alors il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, évidemment, mais enfin, ça, j'ai l'impression que ça, c'est de plus en plus accepté. Et donc, c'est assez étonnant, je crois, que ce soit un anarchiste qui lance cette idée, parce que normalement, un anarchiste, pour lui, c'est tout est libre, c'est-à-dire tout est acquis et culturel. Et lui, par contre, a vu que ce n'était pas possible que l'enfant apprenne si vite à parler, et il s'est dit, ce n'est pas possible, il y a déjà des systèmes qui sont déjà dans le cerveau, des câblages. Et en effet, c'est ce qu'on voit aussi chez les oiseaux. Moi, j'ai pas mal étudié le langage des oiseaux. Et en effet, par exemple, on a maintenant, il y a une étude de neurobiologie, bon passons, qui montre que quand un oiseau chante, il y a des fois des chants très complexes, eh bien ça passe d'une partie du cerveau à l'autre, ça se balade dans le cerveau, et à la fin, pof, ça donne... Ça, et donc, en réalité, c'est engrammé, c'est-à-dire que c'est déjà câblé, si je puis dire, dans le cerveau, mais quand il écoute les autres autour, la mésange du coin, etc., elle écoute, ou le chardonneret, ou le rossignol, eh bien, il écoute les autres, et en fonction de ce qu'il entend, il modifie son chant, et il y a une éducation. Et donc, il a beau avoir une base innée, il y a une partie d'acquis qui le complète. Alors, le langage, je vous avais dit un mot, c'est, on a longtemps considéré, alors le propre de l'homme, il en a pris un sacré coup, hein, parce que dans les 30 ans qui sont passés, là, il y avait, je ne sais pas, une dizaine de caractéristiques spéciales à l'homme, c'était le propre de l'homme, et puis ça a sauté, et maintenant on ne sait même plus comment, enfin il y a tout un tas de discussions sur lesquelles je passe, mais en fait on ne sait plus vraiment ce qui est le propre de l'homme, parce que c'est tellement particulier, chacun a son point de vue là-dessus. En tout cas, le langage évidemment n'est pas propre à l'homme, puisque tous les animaux ont un langage, ont une communication, mais vous remarquerez que je vous ai dit que les chimpanzés, comme la plupart des mammifères, ont peu de plasticité verbale, mais par contre, vous avez un oiseau, là ici vous avez, ça s'appelle un gris du Gabon, un perroquet gris du Gabon, ou un ménate, vous avez vu, qui parle très bien. Alors pourquoi c'est pas, alors d'une part, c'est plus compliqué qu'on le croyait, on se disait comment font-ils avec un si petit cerveau pour arriver à être aussi malin. Et comme les corbeaux et les perroquets, qui sont un peu les Einstein de l'oiseau, mais en réalité, on vient de découvrir qu'en réalité, les neurones sont deux fois plus petits, et donc dans la même masse cervicale, il y a deux fois plus de possibilités que chez les mammifères. Donc ça explique qu'ils puissent être aussi malins. En tout cas, c'est curieux que ce soit les ménates et les perroquets gris du Gabon qui soient aussi doués pour imiter l'homme. Alors, bon, ça a été étudié tout ça, et on sait que c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec notre système, avec le palais et tout ça, c'est des systèmes complètement différents, mais il y a toujours la même base, c'est-à-dire que, et qui correspond d'ailleurs, on arrive à comprendre comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'un ménate ne sait pas parler à la naissance, il a la capacité d'imitation, comme un bébé d'ailleurs, hein. Et puis ensuite, il écoute, et il a une période favorable qui est jusqu'à à peu près un an. Et il enregistre, et il faut que ce soit lié à des situations, c'est-à-dire que vous soyez copain avec lui, et que vous soyez sympa, et que vous lui fassiez avoir des avantages, etc. Et petit à petit, si vous... Normalement, dans la nature, il apprend de ses congénères, bien sûr. Mais si vous enlevez ses congénères... Et si vous vous mettez à la place, si vous prenez d'abord un jeune perroquet, hein, et de cette espèce particulière qui a beaucoup de capacités, si vous êtes sympa avec lui, vous le grattez, etc., et il vous considère comme un copain, et après, vous lui dites des trucs, il essaie de les imiter. Et contrairement à ce qu'on a raconté longtemps, c'est pas au hasard, hein, on dit qu'il parle comme un perroquet, bon, c'est complètement hors de contexte, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en réalité, moi j'ai eu d'ailleurs, à Marseille d'ailleurs, un ami qui avait un perroquet, qui me l'a prêté pendant quelques mois. Et quand on tapait la porte, il disait « Entrez ». Quand on sonnait le téléphone, il disait « Allô ». Et il avait même inventé ça, je ne sais pas de qui il a tiré ça, il sifflait les filles. Et il sifflait pas les hommes. C'est compliqué tout ça. En tout cas, je ne vais pas entrer dans les problèmes de genre. Non, surtout pas. En tout cas, en réalité, vous voyez que ce que fait le perroquet, ce que ne fait pas le chimpanzé, c'est que le chimpanzé, il a un vocabulaire, un registre très limité, et il a des cris qui sont relativement stéréotypés, qui sont un peu modifiables, mais pas beaucoup, alors que le gris du Gabon ou le ménade, ils ont un vocabulaire gigantesque, ils apprennent de leur congénère dans le groupe, et c'est pas au hasard, c'est-à-dire que quand le ménate ou le perroquet voit que pour tel arbre et tel fruit, il y a tel cri, il fait comme nous, hein, il se dit, ça signifie ça. Et donc, quand il entend ce cri-là, il sait qu'il y a telle nourriture. Bon, et donc, en réalité, il a une base innée, c'est-à-dire, qu'il est capable d'apprendre, ce n'est possible que quand il est jeune, mais c'est pas si loin en fin de compte de ce que fait l'enfant. Alors là, on entre dans des débats compliqués, qui a d'ailleurs bloqué la biologie pendant un siècle, hein. C'est la bagarre entre Darwin et Lamarck. C'est-à-dire que Darwin, c'est pas lui qui a eu l'idée du gène, puisque le gène, à l'époque, il ne connaissait même pas les chromosomes. Mais, quand même, c'est le darwinisme, c'est-à-dire la sélection, l'hérédité, pour employer un terme de l'époque, c'est l'hérédité, tout est basé sur l'hérédité, et la compétition. Et puis, qui fait que, je ne sais pas si vous connaissez, en fait, je le résume en 30 secondes, dans le système darwinien, qui est toujours celui qui est accepté actuellement, et il n'y en a pas d'autre d'ailleurs, par exemple la création, avant on n'avait que la Bible. On avait que la Bible, et puis voilà, la création, c'est Dieu qui a créé le monde en 7 jours, etc. Bon, évidemment, ce n'est pas ça, mais on n'avait pas d'explication scientifique, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas appel au surnaturel. Et donc Darwin, il a dit, il a observé d'abord pas mal des animaux, et puis il a dit, bon, en réalité, il y a une sélection qui fait que ceux qui sont bien adaptés à la situation, au monde dans lequel ils vivent, arrivent à s'en tirer. Alors, bon, là, il y a eu toute la dérive du darwinisme social qui fait qu'un capitaliste qui est plus adapté parce qu'un chef d'usine est plus intelligent que les autres. Bon, ça, je passe l'aspect politique qu'il faut. D'ailleurs, Darwin n'était pas du tout là-dedans. Darwin, il a même écrit contre cette idée-là. Après, les Français en particulier ont fait la confusion entre darwinisme et darwinisme social. En tout cas, Darwin, il était sur l'idée de l'hérédité, et maintenant on sait que c'est à travers les gènes. Et puis Lamarck, lui, il n'avait pas le mécanisme, il s'est trompé dans les mécanismes, ça ne marchait pas, vous avez entendu parler des girafes, etc., là, qui cherchent à manger des feuilles, et lui, il pensait que tout venait de l'environnement. Et alors, devant le même problème, vous avez un troupeau de girafes, et puis il y en a, pour Lamarck, ils ont envie de les attraper, et petit à petit, le coup s'allonge. Bon, évidemment, ça ne marche pas, c'est pas aussi simple. Mais pour Darwin, il y a des girafes de différentes longueurs de cou, et celles qui ont le cou le plus long se reproduisent et font des jeunes, et après leurs jeunes ont encore le cou plus long, et ainsi de suite, et après vous arrivez à des trucs incroyables comme la girafe. Et donc, en fin de compte, vous voyez l'opposition entre le système de Darwin et le système de Lamarck. Mais quand même, il n'en reste pas moins. Alors, pendant 80 ans, on a dit Darwin c'est de la connerie, parce qu'on n'était pas anglo-saxons et qu'on ne voulait pas que ce soit les Français. Donc on a dit non, c'est Lamarck, enfin, bon, ça n'est pas la route, là je voulais simplifier, mais enfin, il n'en reste pas moins que c'était beaucoup plus crédible la vision de Darwin que celle de Lamarck. Et donc Lamarck a été mis sur la touche. Mais quand même, il restait que l'environnement a une importance. Mais comment arriver à mélanger, à concilier le gène et l'environnement? Alors, ça a été, c'est pas très vieux, c'est de quelques dizaines d'années, l'épigénétique, ce qu'on appelle maintenant, qui à mon avis change beaucoup de choses, parce que c'est plus un interrupteur, c'est pas tout ou rien, c'est pas les gènes ou rien du tout, c'est l'expression des gènes qui est modulée par l'environnement. C'est-à-dire que, par exemple, pour prendre un exemple concret et qui est proche de vous, vous avez par exemple, vous avez des diabètes, là, tout est bloqué, vous êtes obligé, vous avez génétiquement, vous avez un diabète, quoi que vous fassiez. Et puis, vous avez des diabètes peu particuliers, que beaucoup de gens ont d'ailleurs, diabète de type 2, et là, si vous faites très attention à votre régime, vous n'avez pas de diabète, mais si vous mangez beaucoup de gras et de sucre, vous avez le diabète. Donc, en réalité, il y a une modulation par le milieu du gène. Et donc, ça fait un intermédiaire entre Darwin et Lamarck, ce qui fait que ça a permis de réhabiliter Lamarck, qui, en fin de compte, avait raison sur l'action du milieu, mais avait tort sur le mécanisme. Et donc, actuellement, je pense que c'est une bonne chose qu'on arrive, justement, à comprendre qu'il y a des situations intermédiaires. Et on sait que ça peut même se transmettre héréditairement quelques générations. Mais ça varie, enfin, bon, passons. Alors, donc, la réponse à la question du début, c'est que vous aussi, depuis le temps que je vous en parle, vous allez trouver, c'est que l'homme est à la fois libre et programmé. Hein? Donc, en réalité, évidemment, on n'est pas libre totalement, on n'est pas programmé totalement, comme le sont à peu près les insectes, par exemple, qui sont à l'autre bout. Nous, on est sur un, il y a un immense gradient. Vous avez l'homme avec beaucoup d'innés, beaucoup d'acquis et très peu d'innés. Et puis vous avez à l'autre bout, disons, les insectes avec beaucoup d'innés et peu d'acquis. Donc vous avez vu le, ce que j'ai essayé d'expliquer. Voilà. Alors là, je ne suis pas entré dans les débats sociaux hein, qui sont derrière, mais enfin, vous vous rendez compte qu'en réalité, ça, ça a des tas de répercussions. Donc, la parole est à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il est là pour répondre. Qui se lance? Oui. Votre exposé m'a fait penser à l'aphorisme très connu d'Élisée Reclus, l'homme et la nature oui. prenant conscience d'elle-même. C'est, bon. Ouais. C'est vraiment. C'est le milieu éthique de l'époque. Quoi. C'est ça, ouais. exactement. D'ailleurs, cette phrase est reprise continuellement, actuellement. Hein. Ah oui? Ah oui, il y a beaucoup de gens qui la reprennent et qui est utilisée même en science. Ouais, parce que il a eu des vues. Mais oui. enfin, il y a aussi... C'est très résumé, mais bon... Non, non, mais enfin, bon, c'est résumé tellement impressionnant qu'on a du mal à le comprendre. Enfin, il n'en reste pas moins que c'est aussi un débat de société actuelle. C'est-à-dire que la crise écologique actuelle repose là-dessus. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, la démographie. Vous avez le débat entre les néo-malthusiens et les autres. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, Kropotkin... Et il n'y a plus qu'estimer que l'homme est le plus important et que par contre, bon, il va y avoir des problèmes, mais ils seront évacués parce que l'homme va avoir de plus en plus de production, parce qu'il analysera tellement bien la production, il y aura moins d'inégalités et donc il n'y a pas de problème de démographie, il faut faire des enfants, il n'y a aucun problème. Alors que vous avez par exemple d'autres anarchistes, comme Paul Rubel par exemple, qui vous disent ah non, attention, danger. On va se casser la figure. Et donc, actuellement, on est en plein dans le débat. C'est-à-dire que là, vous savez qu'on est à 7 milliards et demi, on va être au moins 10 milliards en 2050. En Afrique, il est prévu près d'un milliard de plus en 2050. Donc, vous voyez les problèmes qui se posent, c'est-à-dire qu'on arrive à une échelle qui est... Et là, est-ce qu'il suffit, alors c'est un problème d'ailleurs de marxisme aussi, de communisme, c'est-à-dire est-ce qu'il suffit de mieux partager les choses pour que tout s'arrange? Moi, je ne pense pas, parce que de toute manière, c'est... Alors, vous avez après toute une explication par les démographes scientifiques qui vous disent, et qui se rejoignent à la politique, d'ailleurs, à la sociale, qui vous disent, attention... il va y avoir une transition démographique, c'est-à-dire que si on explique bien aux femmes leur intérêt, elles vont s'arrêter de faire des enfants. Bon, pas simple. Ouais, attends, c'est marrant parce que ça me fait penser à autre chose, ce que vous voulez dire, c'est que on sait que les animaux, quand ils sont trop nombreux sur un territoire, en fait, ils commencent à y avoir des épidémies. Il y a des choses qui se passent de régulation par des maladies. Donc, on ne sait pas si ça ne va pas nous arriver aussi. Oui, mais nous, on a... Autre chose. Alors, ça va être... Parce que le territoire terrestre, il est limité. Alors, si on est un cas particulier. Hein. C'est-à-dire alors, que là, pas, mais... les règles habituelles des animaux s'appliquent, mais elles s'appliquent avec des coups de bénévoles. Là, c'est ce que j'explique là. C'est-à-dire que... je ne sais pas si je ne vais pas vous montrer... Si j'arrive à trouver, je vais vous le dire oralement. Par exemple, je parlais tout à l'heure des diapos là, que j'ai présenté un jour sur l'opposition paléolithique-néolithique. Bon, avant, on est des animaux au, entre guillemets, au sens équilibre avec le milieu. C'est-à-dire qu'on est chasseur-cueilleur, les hommes chassent, les femmes cueillent, c'est-à-dire patrouillent autour du campement. Et elle récupère les poissons, des champignons, et puis l'homme part en expédition de 2-3 jours et essaie d'attraper du gibier. Bon. Mais d'abord, ça remet en question les idées féministes, parfois simplistes, qui disent que l'homme a toujours dominé la femme et l'a écrabouillée. Moi je pense, mais après, ça n'engage que moi, qu'il y avait un équilibre. C'est-à-dire que l'homme ne pouvait pas, comme il attrapait du gibier pas tous les jours, et comme il fallait qu'il mange tous les jours, il avait besoin de la femme. Et donc, en réalité, il y avait, c'était pas possible, les deux étaient complémentaires. Alors qu'à partir, et par contre, ils étaient en équilibre avec le milieu, c'est-à-dire qu'il fallait chasser, mais quand on avait chassé les animaux autour du campement, eh bien, il fallait partir, c'est pour ça qu'il était nomade, alors qu'après il était sédentaire. C'est-à-dire qu'on partait, du campement, et on allait à, je sais pas, un jour de marche, et on faisait un nouveau campement, et on avait un immense domaine vital, et on était toujours en équilibre avec le milieu, parce que le milieu avait le temps de se renouveler. C'est un peu l'histoire de tout à l'heure, je vous disais, les agios et le capital. On ne touchait jamais au capital. Les intérêts. Voilà, les intérêts. Alors que par contre, quand on entre dans le système du néolithique, c'est-à-dire agriculture et élevage, d'abord, il faut bosser beaucoup plus. Alors, par contre, on produit beaucoup plus de nourriture pour la même surface de sol, mais il faut bosser trois fois plus. Deuxièmement, on est sur place et on a une accumulation de biens qu'il faut protéger. Alors qu'un pygmée, moi j'ai vécu avec les pygmées par exemple, les pygmées, ils se baladent, c'est pour ça qu'ils n'ont pas d'architecture, et pas de sculpture et pas de peinture. Parce que, par contre, ils sont très doués pour le champ et pour les comptes, des trucs qu'ils ne transportent pas. Et donc, par contre, vous avez, quand vous avez une accumulation de biens, ben là, il faut la protéger. Et donc, l'homme devient, c'est ce que disent actuellement, il y a toute une discussion là-dessus, en particulier actuellement, non seulement l'éthologie est en train de faire des progrès, mais elle fait pas mal, mais par contre, ce qui bouge le plus actuellement, c'est la paléoanthropologie, c'est-à-dire la préhistoire au sens génétique, biochimique même. Et donc, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a plein de possibilités qu'on ne voyait pas avant. C'est-à-dire que, d'abord, il n'y a pas une ligne d'hommes arrivant au génie que nous sommes. C'est pas une ligne, c'est un arbre, un buisson. Et puis, il y a toutes les branches qui ont été coupées. On ne sait pas pourquoi. Et moi, je pense que c'est l'homme qui est pour rien. Mais enfin, il faudra voir. Dans les années qui viennent, on le saura. Et puis, deuxièmement, nous, on arrive, on est les seuls qui restent. Par exemple, à moins 42 000 ans, on sait maintenant qu'il y avait 5 à 7 hommes sur Terre. Ça, c'est quand même surprenant, parce qu'on n'imaginait pas un truc pareil. Quoi. C'est-à-dire, les hommes de Néandertal, par exemple, je n'ai pas c'est notre exposé, ils occupent toute l'Europe, puis l'Homo sapiens, les Néandertaliens, ils viennent d'Homo erectus, c'est-à-dire une autre branche. Enfin, une branche d'un homme primitif. Et puis, les Homo sapiens sont une autre branche. Et puis, ils arrivent par l'autre côté, c'est-à-dire par Israël, etc., là, par cette zone. Et puis, ils entrent dans l'Europe. Et petit à petit, ils prennent toute la place. Et puis, les Néandertaliens disparaissent. Alors, personne ne sait actuellement. Il y a 30 hypothèses pour expliquer pourquoi l'homme de Néandertal a disparu alors que les sapiens arrivent. Mais il est probable qu'il y ait un lien entre les deux. D'autre part, il y a tout un monde qui apparaît aussi actuellement, parce qu'on découvre en paléontologie des tas de choses, et on s'aperçoit que, par exemple, l'Homo sapiens, quand il colonise un continent, quelques milliers d'années après, toute la mégafaune, c'est-à-dire les grands animaux, disparaissent. Alors ça aussi, on n'a pas la preuve. Enfin, on le sait par l'Australie, par exemple, là, on sait bien que c'est l'homme qui arrive, qui liquide tout. Mais, par exemple, les aurochs, tout ça, ça disparaît quelques milliers d'années après qu'on arrive. Et chaque fois, c'est la même histoire, et ça se reproduit en Europe, en Asie, à Madagascar, en Australie, j'avais dit, en Amérique du Nord, après en Amérique du Sud. Chaque fois, c'est la même histoire. Vous avez des tas d'énormes animaux, et puis pouf, on les élimine. Bon. En tout cas, ce que je veux, pour en revenir à votre question du départ, à mon avis, il y a deux systèmes qui sont complètement différents. C'est-à-dire, avant, on se conduit comme les animaux au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on est à l'équilibre avec le milieu. À partir du moment où on passe au néolithique, on a un système qui est super productif, mais qui ne peut pas... Mais par contre, regardez la répercussion sur la démographie. C'est-à-dire, quand vous êtes dans le système paléolithique, les femmes se baladent avec leurs gosses avec elles, et de toute manière, elles l'allaitent. Donc, elles peuvent faire en moyenne un enfant tous les 4 ans. Quand on passe dans le système néolithique, les bonnes femmes se retrouvent avec des céréales, donc une bouillie possible, des animaux domestiques qui donnent du lait. Et donc, si vous avez un gosse qui apparaît après, vous pouvez ne pas le nourrir, et vous n'avez pas besoin de le transporter puisque vous êtes dans une maison qui est protégée. Et donc, à partir de là, vous passez à un enfant tous les ans. Et donc, vous voyez que d'un seul coup, le système se bouscule, et d'un système à l'équilibre, on arrive à un système qui, au départ, était relativement équilibré, mais qui arrive vers nous, c'est-à-dire de plus en plus de population et des ressources naturelles qui s'épuisent. Arrête là, parce que non. Plus personne. Oui, c'est pas beau. Oui. C'est un sujet délicat. Je pense qu'on n'est pas, il y a pas tellement de gens qui peuvent facilement adhérer à ça. Moi, je suis déterministe, donc oui. Je pense à Diderot qui disait quoi que ce soit que l'on s'applique, la nature l'y destinait. Donc, il professait le déterminisme radical, il était déterministe. Mais je me souviens, pour illustrer quand même, une fois j'étais comme ça dans une réunion, il y avait un monsieur universitaire, de l'Université de Marseille, sur les mines, il y avait un truc sur feu. Bon, projet génial, tout ça, c'est fantastique. Et à un moment donné, je ne sais pas comment ma femme qui est psychologue me parle d'un truc, et puis moi je parle justement des enfants sauvages. Voilà. Je ne sais pas comment c'est venu, l'enfant sauvage, le film de Truffaut en a témoigné, et puis là on a retrouvé aux Indes un couple d'enfants qui avaient été abandonnés, qui avaient été élevés par des louves, et il y a eu d'autres cas, donc ça c'est pas anecdotique, c'est bien scientifiquement constaté. Et cet universitaire très freudien ça se met dans une colère monstre, on me dit une connerie, ça n'existe pas, machin. Bon, aussitôt j'ai compris que le monsieur, tout universitaire qui était tout freudien, tout scientifique, n'avait pas pu remettre en question, il a le droit, tout à fait, je veux dire son dogme religieux qui est que, bon, il ne serait en aucun cas être question d'un être humain élevé par des animaux. Puisqu'il y a une séparation qui s'opérait, qu'il n'avait pas conscientisé lui, mais qui s'opérait le même justement entre l'injonction biblique, c'est-à-dire que ou on est un homme, ou on est dans le monde animal, et le gars s'est piégé tout seul, je crois qu'il ne s'en est même pas rendu compte. Ce qui est quand même très très, quand on a des résistances et qu'on commence à aimer, ce qui était flagrant, parce que le gars ne pouvait pas accepter ce truc-là. Vous comprenez, je ne sais pas si je m'explique bien, si je suis clair. Ouais, hein, le retour du refoulé, et donc c'est difficile quand même, parce qu'une fois sur France Culture, on présentait un jésuite qui était scientifique, haut placé, je veux dire, scientifique. Et on lui pose une question sur Darwin. Et moi, aussitôt, je me suis dit, est-ce que c'est le scientifique ou c'est le jésuite qui va remporter mes copains? Parce que là, c'était la question. Et on attendait tous. Et un silence qui n'en finissait pas. Et je me disais, mais qu'est-ce que. La radio ne marche plus ou pas? Le type ne répondait pas. Et à la fin, il a répondu, il a dit, il n'y a pas de théorie de l'évolution. Donc, on en est là. On en est là. Et moi, je vois la situation actuelle, parlons pas de la théorie du genre, mais l'évacuation du biologique et des animés sains qui cachaient ces gènes qui me gênent. Oui, les gènes, ça existe quand il y a une maladie génétique qu'on peut pas contester, mais arrêtez-vous là, hein, parce qu'après, c'est dangereux, quoi, parce que sinon, nazi, machin, réduction Hitlerum, bon, on s'en prend, vous connaissez le truc, et je pense que les gens ont peur de ça, parce que ça condamnerait dans leur esprit, et donc tout propos scientifique trop froid, ça va foutre la trouille à un tas de gens. Je sais pas ce que vous en pensez. Petit commentaire là. Ah, tu voulais parler peut-être. Oui, non, mais on retient ton. Oui, c'est qu'on en est plus là quand même. C'est-à-dire qu'actuellement, d'une part, le Vatican a reconnu que le darwinisme, c'était pas une blague, que ça existait, mais que ça n'empêchait pas qu'il reste une petite humanité, évidemment, hein, il fallait bien une cigarette, il n'est pas dans le tech. Et d'autre part, il y a des religions maintenant qui sont beaucoup plus malignes qu'avant. Avant, on vous disait, bon, c'est comme dans la Bible, bon, évidemment, ça marchait pas, puisque c'était tellement facile à montrer que c'est idiot. Que ça, c'est pas défendable. Mais par contre, vous avez maintenant l'intelligent design, c'est-à-dire le dessin intelligent, où les gars, sortis aux États-Unis, maintenant ça existe aussi en France, vous disent Dieu ne s'embête pas dans les détails. Il fait le plan, c'est l'architecte. Il donne les grandes lignes directrices. Voilà, et puis après, Darwin, faut se débrouiller. Donc, et à ce moment-là, vous ne pouvez plus les coincer. Parce que. Il ne faut pas oublier quand même que côté jésuite, il y a eu toujours, pour revenir à ce que vous disiez, il y a eu toujours cette ambiguïté. D'ailleurs, beaucoup de religieux se sont intéressés à la botanique, à la vie animale. Et les jésuites, quand même, ils sont formés pour ça, ils sont éduqués dans ce sens d'arriver à avoir une double pensée. Hein. Cela dit, ils ne sont pas les seuls. Hein. Alors, ce que je voulais dire, moi, c'est sur deux plans. Si on voit la question de la différence seulement de degré entre ce qu'on appelle les animaux, nous sommes les animaux. À partir de là, tout s'effondre actuellement de notre société. Tout. Hein, ça, c'est pas possible. Hein. C'est pour ça qu'il y a tellement de résistance. Alors, l'autre question, parce que ça, je me permets de l'affirmer, et l'autre question, celle qui m'intéresse beaucoup, c'est la communication avec les autres espèces. Parce que plus nous allons avancer dans cette connaissance du langage des autres, déjà, bon, c'est pas toujours facile le langage entre sapiens, bon, mais après tout, des fois, c'est plus simple. Je voulais justement témoigner de ce que je... Bon, alors, je suis une mère à chat, hein, je ne mange pas du tout, et j'ai donc deux chats, et un chat, c'est réputé imprévisible, par exemple. Il va donner un coup de griffe au moment où on s'y attend au moins, parce qu'on est idiot, il suffit de regarder comment il est. Il y a un langage corporel que nous avons aussi. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre des autres. D'abord, ça nous apprend un petit peu d'humilité, on en a besoin. Et si on étudie comment se comportent les autres espèces, je pense qu'on peut, par exemple, avancer sur la question des loups. Au lieu de leur tirer dessus, on peut peut-être trouver des solutions en essayant de comprendre comment ils pensent, parce qu'ils pensent, et faire en sorte qu'au lieu d'être dans un conflit ouvert, on soit dans des mesures de partage du territoire. Voilà, donc je voulais dire. À propos de loup, hier, tu étais sur France Culture. Oui. Je suis tombé dessus par hasard. Et si tu voulais pas. Pour les jeunes, c'était un moine. C'était Mendel qui avait découvert les gènes par son travail avec les abricots. Darwin, jusqu'à la fin, il n'était pas sûr de sa théorie. Hein. Et même à la fin, il pensait que peut-être Lamarck avait des points importants à ajouter. Il était prêt à renoncer même, jusqu'à la fin. C'est-à-dire que pas renoncer, disons qu'il est... Parce qu'il n'était pas sûr, et c'est sûr qu'il y a des choses... Je veux dire que l'avantage d'être un scientifique... Il a même changé d'opinion, parfois. Oui, l'avantage d'être un scientifique, c'est que, disons, il peut toujours se mettre en doute. C'est que, évidemment, les religions ne peuvent pas faire. Peut-être la science, il essaie de s'approcher d'une vérité, mais les sciences, évidemment, les religions se retirent du jeu. D'essayer d'avancer vers une vérité quelconque. Pour la question de. À l'époque de Darwin, il y avait aussi des évolutionnistes russes, mais il y avait Kropotkin, bien sûr, mais d'autres, qui avaient une autre façon de voir un peu l'évolution, avec leur aide. Et aussi, peut-être, quand on voit la société de l'époque de la Russie, avec les minières, avec les communes de l'époque. Voilà. Non, c'est après. Kropotkin, c'était à peu près la même période que Darwin, mais il y avait aussi deux autres russes à la même époque. Mais non, ce n'est pas la même époque. Kropotkin, c'est l'entraide de 1902, et Darwin, son livre principal, 1953. C'était après Darwin, évidemment, Kropotkin, mais disons, à cette époque-là, il y avait aussi d'autres russes qui travaillaient sur le sujet. Mais disons, les russes travaillaient sur une optique qui était différente à l'Angleterre de l'époque, parce qu'évidemment c'est le début de la révolution industrielle, avec, disons, le suprématie de la race blanche, l'idée de, disons, le pouvoir par l'énergie, la nouvelle énergie, etc. Par contre, en Russie, ils vivaient dans un pays beaucoup plus agricole, avec le NIR, donc, disons, les premiers communes, etc. Et que quelque part, cette pensée que Kropotkin allait chercher chez les animaux, parce qu'il a constaté l'entraide chez les animaux, et qui, disons, quelque part, ajoute justement à la théorie de Darwin et qui apporte quelque chose d'autre qui est très intéressant. Je ne pense pas que Kropotkin a 100% raison, mais Darwin non plus. Oui. Alors je vous résume ce bouquin, c'est-à-dire qu'en réalité, j'explique ce que vous soulevez là, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a eu, c'est le sujet de, des retombées, comment ça a été utilisé Darwin, par certains, à mon avis, ce bouquin est intéressant parce qu'il reprend ce que vous dites, mais avec plus de détails, et en le replaçant dans le contexte, c'est-à-dire qu'en réalité, Darwin a tout basé sur la compétition. Et il était bien embêté parce qu'il y avait des choses qu'il ne pouvait pas expliquer. Par exemple, les sociétés supérieures d'insectes, c'est-à-dire les termites, les abeilles et les fourmis, ce n'était pas compréhensible sur le plan héréditaire. Parce que quel intérêt à une ouvrière, stérile, de s'occuper de tous ces jeunes, ça paraissait sans solution, quoi. Et donc, son système là, de sélection naturelle, tout ça, ne fonctionnait pas. Et donc, il était coincé. Et alors après, il y a Kropotkin qui, lui, connaissait les travaux des Russes, qui avait dit, attention, il n'y a pas que la compétition, ce qu'a soulevé Darwin, il y a aussi la coopération, et ce qu'ils observaient dans leur milieu plus facilement, pour la bonne raison qu'alors que Darwin a travaillé en particulier dans les tropiques, ils voyaient beaucoup mieux la compétition, alors que par contre, dans les étendues arctiques, avec la neige, etc., vous voyez des assemblages, des protections entre les animaux, par exemple les loups qui se mettent en meute pour attaquer des grands herbivores qui se mettent aussi en groupe. Et donc on voit bien qu'en réalité, et ce qui dit, d'ailleurs moi je l'ai pas mal développé là-dedans, mais il y a un bouquin qui vient de sortir aussi par un nanar, d'ailleurs Pablo Servigne, qui s'appelle « L'entraide, une autre... » Quelqu'un qui peut me... Non, on ne sait pas tout. Oui. Vite ton fichier. On l'a pas. Vous ne l'avez pas, ben, c'est dommage. En tout cas, oui, ça... demandez-le-lui. Il vous l'enverra certainement rapidement. C'est chez qui l'éditeur? Je ne sais plus. Ouais. Et puis en tout cas, il a repris en développant sur un livre de 300 pages. Une autre évolution. Non. C'est une autre loi de la jungle. C'est l'entraide, une autre loi de la jungle. Et là, justement, il répond à ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a eu tout un débat, ce que je raconte, là, je résume un peu le bouquin, mon bouquin, c'est-à-dire que. Évidemment, ça a été une révolution, le darwinisme. C'est-à-dire qu'on n'avait que la Bible. Comment s'explique la création? On était coincés. Oui, mais avant la Bible, il y avait quand même des croyants. Et ils avaient d'autres cultures. Peut-être qu'ils n'étaient pas indiens. Chacun a fait la mythologie. Notre mythologie, c'était la Bible. Mais chez les pygmées, évidemment, ce n'est pas la Bible. C'est qu'il y a... Oui. En tout cas... Donc, je reprends, là, j'ai perdu mon fil. La Bible, tu parles. Oui, alors la Bible, oui. Donc, dans la Bible, il n'y avait pas d'explication. Donc, Darwin donne une explication, mais tous les matérialistes se disent, formidable, enfin une explication rationnelle et naturelle. Et en particulier, Marx et Engels. Mais, dans un premier temps, ils disent, génial, enfin une explication qui permettent de tout expliquer d'une manière matérialiste, sans faire appel à Dieu, et donc en tant qu'athée, c'est parfait. Et puis après, ils réfléchissent, et je raconte tout ça en détail, c'était d'ailleurs l'exposé que j'ai fait l'année dernière. Après, ils se disent, c'est pas possible, ça peut pas être vrai, Darwin, pour la bonne raison que c'est basé sur la compétition. Or, dans une société socialiste, ça peut pas être la lutte de tous contre tous. Donc, après, ils disent, Darwin s'est trompé, il y a une partie de vrai, mais ça suffit pas. Et il nie Darwin. Alors Kropotkin arrive, et comme c'était lui par contre un scientifique, il voit bien que Darwin tenait tout à fait la route, mais il cherche à le compléter au lieu de s'opposer à lui, et il dit, il y a deux forces dans l'évolution sociale, de l'homme comme des animaux, il y a la compétition et la coopération, et en réalité, et il avait raison, parce qu'en réalité la coopération ça existe partout. Une chatte qui défend ses petits, elle se sacrifie, il y a plein d'exemples, etc. Et donc, à partir de là, il sort son bouquin en entraîne, mais c'était considéré, comme il le prend sous l'aspect, disons, politique, c'était considéré comme un livre plus ou moins politique et pas scientifique. Et puis, 50 ans plus tard, vous avez les chercheurs d'Oxford qui donnent une base génétique à tout ça, et qui disent, attention, Darwin ne parle que de sélection individuelle, mais il y a une sélection familiale. C'est-à-dire que pour expliquer les abeilles, comment ça peut se transmettre héréditairement, c'est qu'en réalité, les ouvrières sont les sœurs de la reine. Et donc, quand elles élèvent leur neveu, si je puis dire, eh bien, ça profite à la famille. Donc, elles défendent le patrimoine familial. C'est comme les neveux du pape aussi. En tout cas, vous avez compris le raisonnement. Hein, c'est-à-dire que l'ouvrière, en ne se reproduisant pas, peut arriver à améliorer le patrimoine génétique de la famille. Et ça explique, à partir de là, vous pouvez expliquer toutes les sociétés supérieures d'insectes, c'est-à-dire que c'est plus les sélections individuelles, c'est les sélections familiales. Pardon. Alors, juste, évidemment, avant Darwin, parce qu'il a écrit son premier livre, les deux, mais avant lui, il y avait son grand-père, Erasmus, oui. Qui avait déjà commencé l'idée de la théorie de l'évolution. Et à cette époque-là, c'était en pleine période romantique en Angleterre, avec, disons, le début de, disons, on peut dire, la pensée anarchiste, avec Godwin, avec Shelley, etc. Donc il y avait la création un peu de l'individualisme. Mais une des choses qui a vraiment formé Charles Darwin, c'était Malthus. Oui, et, disons, ça c'est assez mal vu dans le milieu libertaire et autres. La théorie de l'évolution, Darwin a poché un paquet de trucs sur Malthus. Mais en réalité, Malthus a donné l'idée à Darwin, qu'il avait d'ailleurs sur le bateau, sur le Beagle, quand il a fait le tour du monde, qu'il cherchait le mécanisme. Parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, je n'ai pas répondu, mais enfin bon, c'est qu'on a dit « Ah, mais c'est religieux, etc. etc. » Darwin avait fini ses études de pasteur, oui. juste avant de partir sur le Beagle. Donc en réalité, Darwin était sur le point de devenir prêtre, donc il connaissait parfaitement les histoires de la providence divine, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une explication pour la beauté des fleurs, la beauté des insectes, la beauté de la nature, c'est Dieu. Et puis il part sur son bateau avec ça en tête, et il part fixiste, c'est-à-dire qu'il croit que les espèces sont fixes, sont toujours identiques. Alors c'est Dieu qui les a créées. Et puis sur le bateau, en faisant son tour du monde, il s'aperçoit que ça ne tient pas la route, qu'il y a des tas d'animaux qui sont proches, etc. Et il revient avec la théorie de l'évolution. Et actuellement, on parle de la théorie de l'évolution, mais c'est plus une théorie, c'est-à-dire que ça a été prouvé des milliers de fois maintenant, donc il n'y a plus que les gens qui sont contre, qui vous parlent de théorie. En réalité, il n'y a pas d'autre théorie, c'est la seule. Donc en réalité, c'est ça, rien, quoi. Et donc, en réalité, vous voyez que Darwin avait... l'objet de mon bouquin, c'est pour ça que j'ai appelé la pacification de Darwin, c'est parce que, généralement, on présente Darwin, et c'est normal puisque lui-même se présentait comme ça, comme un pur scientifique étroit qui ne s'occupe pas de religion, qui ne s'occupe pas de politique, qui ne s'occupe que de recherche pure. En réalité, moi je défends la position, je ne suis pas le seul, j'ai trouvé depuis lors un bouquin américain qui dit la même chose, c'est-à-dire que... En réalité, Darwin savait, à cause du chemin, justement de son grand-père et de Lamarck, que c'était le panier de crabe. C'est-à-dire que s'il annonçait que... Il avait peur de sa femme aussi. Voilà, en plus il avait des problèmes de couple. Elle n'était pas religieuse, enfin elle était religieuse au sens palpable. Elle n'était pas, évidemment. Elle était, vous voyez ce que je veux dire, hein. Elle était très pieuse, voilà, pieuse. Et c'est pas religieux, drôlement. Et ils ont fait 10 enfants quand même ensemble. Et donc il se trouvait. Alors sa femme lui disait, mais si, puisque tu crois pas en Dieu, on ne pourra pas être au paradis ensemble. Et alors lui qui voulait pas d'histoire, qui était le spécialiste, ce qui explique en partie d'ailleurs pourquoi il a mis tant de temps à écrire son bouquin. Parce qu'en réalité, il sentait qu'il avait un truc terrible à raconter et qu'il allait se faire moucher. Et donc, il ne parle jamais de religion. Il dit une phrase à la fin de son bouquin qui laisse penser qu'il est croyant, mais autrement, il ne parle pas de l'homme et pas de Dieu, rien du tout, parce qu'il sait que c'est un sujet explosif. Donc, moi, je défends la position, contrairement à ce que disent tous les autres biographes, que Darwin faisait l'idiot, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu se présenter, s'occuper de... Comment voulez-vous qu'il ne s'occupe pas de religion? Il était sur le point d'être pasteur. Manifestement, ça ne l'a pas emballé, et il a préféré faire scientifique, Et il est parti sur le voyage en un beagle autour du monde, justement pour s'échapper, pour ne pas devenir pasteur, et pour pouvoir revenir en tant que scientifique et dire à son père, je ne suis pas un raté, parce que son père le considérait comme un raté. Donc c'était pour lui dire, écoute, j'ai une autre carrière, c'est la science. Et donc, en fin de compte, on comprend le mécanisme. En fin de compte, cette histoire de la providence divine, jusqu'à présent, c'était le meilleur argument pour la religion. C'est-à-dire que, comment voulez-vous expliquer la nature, les fleurs, tout ça? Il n'y a qu'une manière, si vous n'avez pas le darwinisme, il y a Dieu, c'est tout. Donc, en réalité, c'est important. Et Darwin en était tout à fait conscient, et à mon avis, il a été assez malin pour justement ne pas le dire. C'est-à-dire que ça lui a permis justement de ne pas avoir les ennuis qu'ont eu son grand-père, Erasmus, et puis Lamarck, qui eux se sont fait mettre sur la touche en disant, d'ailleurs, Lamarck a fait exactement la stratégie inverse, lui, il a revendiqué cette ouverture, et il a appelé son bouquin « Philosophie zoologique », ce qui était une grosse erreur, parce qu'aussitôt, vous avez tout le monde et ça finit en discussion de café du commerce. Et donc Darwin, lui, chaque fois qu'il y avait un débat, il foutait le camp, il disait qu'il était malade, et comme ça, il était tranquille. Et ça l'évitait. Oui, le père était malade, et puis ça l'évitait des problèmes de famille. Parce qu'il se retrouvait avec une femme qui était archipieuse, et lui, il était athée. Et c'est pas seulement les histoires de religion, mais c'est que même sa femme était un peu, en fait, comme à son époque, quoi, c'est-à-dire elle était reflet de son époque, c'est-à-dire d'une part, elle était pieuse, et puis elle faisait tourner les tables, parce qu'à l'époque, c'était l'époque des tables. Et elle l'amène à une séance de spiritisme, et Darwin voit que c'est complètement nul. Il dit « Oh, je ne suis pas bien, je vais les promener dehors, il se tire. » Et puis alors, on sait, par le courrier qu'on a gardé de sa femme, qui dit à une copine « Darwin est un scientifique étroit, il n'arrive pas à comprendre que les tables peuvent tourner. » Il a quand même écrit vraiment après la révélation de l'homme, Darwin. Oui, on n'a rien entendu. Il a quand même compris que la théorie, mais les preuves scientifiques qu'il avançait étaient explosives et qu'il ne pouvait pas rester complètement en dehors de ce débat. Parce qu'en écrivant ce second livre, il se positionne, il prend quand même oui, une autre position. Mais justement, il s'était piégé, c'est-à-dire que. Au début, il prend ma position, ce que je défends dans ce bouquin, c'est qu'il se dit, attention, danger, n'entrons pas dans ce débat. Et il a eu raison, d'ailleurs, parce qu'en fin de compte, il a été enterré à la Bible au Westminster. Darwin, c'est quand même incroyable pour un gars qui dit que la Bible est nulle. Incroyable, quoi. Et en réalité, il a donc volontairement évacué toute référence à la religion, à la sociale, tout ça. Mais il y a eu des tas de bouquins qui sont sortis après lui, et en particulier par Huxley, son bulldog, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire que le gars qui défendait Darwin, parce que Darwin ne voulait pas aller dans les débats, donc c'était Huxley qui faisait le sale boulot, mais Huxley, qui était un malin, s'est dit, mais il reste la voie royale, c'est-à-dire parler de l'homme. Et donc il a fait des bouquins, et tout le monde a fait, il y a eu plusieurs bouquins qui sont sortis, et Darwin s'est dit, je ne peux pas rester muet. Et donc il fait ce deuxième bouquin, 12 ans après, pour dire... attention, je ne suis pas aussi darwiniste social comme dit, etc., etc. Et donc, il est obligé de remettre un peu de se mouiller, mais le minimum. Il se mouille quand même, parce que il dit que l'évolution n'est pas qu'une compétition dans le deuxième livre. Il se mouille quand même. Oui, mais il ne s'est pas expliqué. Kropotkin, avant Kropotkin. Il se mouille avant Kropotkin. Kropotkin amplifie le deuxième livre de Darwin, mais Darwin se mouille quand même. Non. Darwin... Il parle quand même de... je ne sais pas si c'est le terme, mais de la compassion, qu'une société ne peut évoluer que si elle prend en compte l'intérêt de tout le monde, si tu veux, il énonce ça dans son second livre. Oui, et surtout un truc qui est intéressant, à mon avis, que j'ai développé d'ailleurs dans le bouquin, c'est que, alors qu'il fait semblant d'être un étroit scientifique, il a déjà des attitudes quasiment, on dirait aujourd'hui, de vegan. C'est-à-dire que le gars qui s'engueule avec personne, qui a tout fait, qui a fait son possible pour ne jamais avoir un souci d'engueulade avec quoi que ce soit, il fait deux procès dans sa vie, un contre un cocher qui frappe son cheval, et un autre avec un gars qui laisse mourir son chien de faim. Donc, et on voit, il y a certaines déclarations que j'ai d'ailleurs citées dans Darwin, où il est, il est en avance, non seulement sur son époque, bon, n'en parlons pas, mais même sur la nôtre. C'est-à-dire qu'il y a tension, en réalité, il y a une continuité, et pas seulement sur le plan physique, sur le plan moral. Il va jusque-là. Donc on est compte. Alors maintenant, on arrive à se poser le problème, c'est quand même récent, hein. Il y a combien de temps qu'on se dit que les animaux peuvent avoir une morale, ouais. C'est tout nouveau, ça. Or, Darwin le dit déjà bien nettement, sans discussion possible. Vous voulez parler, revenir sur les animaux qui parlent, parlent. Oui. Chimpanzé, le perroquet, puis le renard, je ne sais pas. Moi, j'ai le souvenir d'un corbeau qui a été ramassé, tombé du nid, dans une ferme, dans une belle ferme, une maison, sa voix, et il parlait. Pourquoi ? Parce que le père, qui souvent était un peu paf, disait « François, tu vas voir !» Et le corbeau qui disait « François, tu vas voir !» Quack ! Et donc, ça faisait quatre mots plus son quack. Bon. Mais il a répété, il était sur l'arbre, il a répété, il a bien joué. Et un peu comme un perroquet. Si par exemple on prend, c'est parce que je souhaite, mais garder en captivité un couple de perroquets de chaque. Oui, si on fait ça, pendant 100 ans. Pendant 100 ans, avec les hommes, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Est-ce qu'ils vont engranger beaucoup plus de mots? Ils vont arriver à développer le langage plus? Non. Non, parce que c'est culturel. C'est-à-dire que cette partie. Ils ont les bases innées pour apprendre dans le jeune âge, mais ils n'ont pas les mots. C'est-à-dire qu'en réalité... Si on leur donne, quand ils restent avec l'homme, et qu'on le transmet d'une génération à l'autre, ils n'emmagasinent pas... Non, ils n'emmagasinent pas, c'est impossible. Ah bon. Non, non, c'est tout souvent, on me pose des questions d'ailleurs. Ça paraît science-fiction, c'est formidable. Vous n'avez pas, sur Malthus, vous n'avez pas développé... Oui, alors Malthus, c'est intéressant, oui, j'ai oublié mon cours de route. Malthus, c'est intéressant parce que... Il a servi d'inspirateur non seulement Darwin, qu'il avait comme livre de chevet sur son bateau, hein, et donc on sait bien pour d'où c'est venu, hein, parce qu'il voyait bien, au début il croyait que les animaux étaient séparés, et puis il a vu qu'il y avait des tas de liens, il s'est dit, mais il faut trouver, hein. Il ne voulait pas justement se faire attraper comme les précédents, c'est-à-dire Lamarck et Rasmus, son grand-père, qui n'avait pas de mécanisme à proposer. Donc il cherchait comment ça peut se transmettre héréditairement. Et tac, quand il tombe sur Malthus, il se dit, ça y est, c'est la solution. Parce qu'à partir de là, comme il y a plus de rejetons que ceux qui vont rester, il y a un différentiel qui permet la sélection naturelle. C'est-à-dire que vous avez la reproduction, la natalité est beaucoup plus forte, il y a un écrémage gigantesque. Donc à partir de là, vous avez un moteur qui vous permet de sélectionner des caractères. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une population avec des gros... ou avec des gros poils et puis des maigres sans poils, s'il fait froid, tous ceux qui sont maigres sans poils, ils vont disparaître. Donc, ça permet, dans l'hétérogénéité d'une variation, comme on sait qu'il y a des variabilités gigantesques, aussi bien chez les humains que chez les animaux ou chez les plantes, eh bien, tous ceux qui sont dans ce créneau qui marche, qui sont les plus adaptés à ce milieu, vont rester. Et donc, il a, comme ça, trouvé le mécanisme qui est toujours valable, et qui a été prouvé maintes fois maintenant par la génétique, etc. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que la même histoire de Malthus, le même bouquin de Malthus, qui était très mal vu, en particulier par les socialistes, parce que Malthus, lui, il dit, ce qui s'est confirmé, que la reproduction est beaucoup plus forte que la sélection, c'est-à-dire que ce qui reste, c'est-à-dire qu'il y a un différentiel, et donc ça permet l'évolution, la sélection naturelle, mais parce que vous avez, à fin de compte, le darwinisme, c'est un mélange de variabilité individuelle, plus sélection. Hein, c'est deux qui doivent marcher ensemble. Et ça, c'est le mécanisme de l'évolution darwinienne. Mais par contre, vous avez un autre gars à la même époque qui s'appelle Wallace et qui a trouvé, qui lit Malthus et qui était un collecteur d'animaux et qui se dit, mince, c'est ça la solution, c'est ça le moteur, c'est ça qui permet l'évolution. Et donc, il signe. Ah, alors que Darwin, depuis 20 ans, réfléchissait là-dessus, demain, enquêtait pour essayer de vérifier, se demander s'il n'allait pas faire de bêtises, s'il n'allait pas se mettre tout le monde à dos, etc., en particulier sa femme, vous avez l'autre qui, 15 ans après, arrive à la même solution, et a un coup de malaria, et en se réveillant, toc, tout est dans sa tête très clair, il résume tout en quelques pages, pour expliquer le mécanisme, comment l'évolution peut fonctionner et comment on peut passer d'une espèce à l'autre. Et il envoie à qui ? À Darwin. Et Darwin était le secrétaire de l'association de scientifiques qui était assez importante à cette époque. Le voilà, c'était anglais. Il lui envoie son manuscrit. Darwin manque à avoir une crise cardiaque, parce que le truc qu'il remâchait depuis 20 ans et qui était la grande découverte, parce qu'il n'était pas idiot, il avait bien compris que c'était énorme, ça expliquait tout. Et donc, il voit résumé mieux qu'il n'avait jamais pu le faire toute sa théorie. Donc le gars, il prépare une lettre en disant « Bon, ben ça va, vous avez gagné. » Et puis, il en parle à ses copains qui sont les membres directeurs de l'association. Il leur dit « Voilà, j'ai reçu une lettre qui résume tout ce que j'ai raconté, donc je vais perdre ma priorité. » Et ses copains disent « On va arbitrer ça, vous allez pouvoir tous les deux publier dans le même numéro, lui, son résumé de la théorie de la sélection naturelle, et puis vous allez chercher dans vos écrits qu'est-ce que vous pouvez avoir pour montrer que vous n'étiez pas prêt. » Pour qui garde la priorité, pour les gens qui ont fait de la science, vous savez que tout est basé sur la priorité, c'est-à-dire le premier qui a trouvé, c'est le bon, et celui qui a trouvé le lendemain, c'est foutu. Donc, en fin de compte, on se retrouve avec le même numéro de la revue scientifique, d'ailleurs tout est passé à l'as à l'époque, personne ne s'est rendu compte de l'importance de la chose, ça a été à peine, personne, il n'y a aucune critique de ce numéro. C'est-à-dire les gens n'ont même pas vu qu'il y avait ce truc-là dedans. Et dans ce numéro, il y a à la fois l'article de Wallace qui résume toute la théorie, et puis Darwin arrive à trouver, d'une part, une lettre à un scientifique américain où il résume sa théorie, et puis il a aussi un brouillon de son livre, résumé du livre qu'il était en train de cogiter, et il le met dans ce truc pour arriver à garder la priorité. Et Wallace, qui était un gars d'une correction absolue, comme on n'en fait plus maintenant, il dit... C'est normal, c'est à vous la priorité, c'est vous qui avez, ça, je sais que vous avez préparé ça depuis longtemps, et d'autant plus qu'il correspondait, hein, et donc il a déjà eu les idées. Et donc il lui dit, mais non, moi je ne cherche pas du tout à... Et il sort même un bouquet après qui s'appelle le darwinisme. Alors que s'il avait poussé plus loin, ou s'il avait simplement envoyé son article ailleurs, ça s'appellerait le wallacisme. C'est plus dur à prononcer. Mais après, tu as parlé. Je ne sais pas si tu as répondu sur Malthus, parce que tu es passé à Wallace. Ah oui, Wallace, je l'ai peut-être dit ou pas dit, je ne sais plus. Wallace a lu Malthus. Donc il a trouvé, c'est toujours le même bouquet de Malthus qui donne la solution aux deux. Vous avez compris? Et en fin de compte, Malthus a été mis sur la touche parce qu'il y a deux aspects dans le bouquin de Malthus. Il donne d'une part la solution, le grand truc qui reste toujours valable mais qui a été critiqué par tous les socialistes, c'est-à-dire que la natalité est plus importante que ce qui reste en vie et que donc c'est par là que se fait la sélection. Mais surtout, il y a un aspect moral parce que c'était un pasteur. Et donc, il dit, on va liquider les pauvres, ils n'ont pas besoin d'exister, il n'y a que les riches qui doivent s'en tirer. Bon, évidemment, pour les socialistes, c'est toujours avalé. C'est Carlson qui a inventé le mot eugénisme, qui est un cousin de Darwin. Voilà. Ouais. Après, il y a eu le... Oui, Malthus, il préconisait l'abstinence chez les pauvres, et puis peut-être les riches avaient des moyens pour faire moins d'enfants. Et après, il y a eu le néo-malthusianisme, donc ils sont partis de la base de Malthus, mais ils se sont dit, bon, c'est sexualité libre, à chaque fois qu'on fait l'amour, on ne fait pas un enfant, quoi. Et, ils ont développé ça, mais ils ont repris le terme de malthusianisme. C'est un débat anarchiste. En fait, oui, les néo-malthusiens étaient quand même très... Il y a beaucoup d'anarchistes dans ce mouvement. Et ça date de combien? Le néo-malthusianisme, c'est dans les années début du XXe siècle, 1920. Eugène et... Jeanne Imbert. Oui, moi je voudrais parler... avec Malthus, il y a l'histoire de Petit Pois, et je voudrais en profiter pour parler... Oui, ça date de la même époque que Mendel. Mais je voudrais faire le lien avec les végétaux, notamment avec les arbres. Parce que, oui, les arbres. Et la question du langage. Donc on sait quand même depuis un moment, d'abord je dirais les animaux, qui savent très bien ce qu'il en est du langage. On les prend pour encore un peu maintenant pour les demeurer, mais bon voilà, petit à petit, les scientifiques viennent confirmer les intuitions de ceux qui côtoient les animaux, enfin les autres espèces. Et est-ce que tu pourrais nous dire, même si ce n'est pas tout à fait ton rayon d'action, quelque chose sur ce langage des arbres? C'est un sujet à la mode, ça. Il y a plusieurs bouquins qui sont sortis là-dessus. Alors, à mon avis, moi je pense, mais là je pense que c'est une exagération. C'est-à-dire que comme on sait plein de choses maintenant sur les animaux, et qu'on se rend compte que les arbres ont bien plus de relations que ce qu'on croyait, on fait un lien. Mais on n'a jamais vu un arbre avec un cerveau. Hein. Donc en réalité, ils ont des capteurs qui leur permettent, par exemple, vous avez comment ça s'appelle le soleil, les tournesols qui suivent le soleil. Alors, c'est incroyable. Hein, c'est l'héliotropisme. Oui, c'est incroyable, il faut qu'ils réfléchissent, etc. Ça paraît incroyable. Mais en réalité, ça s'explique. Et c'est en réalité des mécanismes très simples, cellulaires. Mais il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas un tournesol qui se dit bon, où est le soleil, etc. Bien sûr. Et donc, en réalité, actuellement, je trouve que c'est une tournure journalistique, c'est-à-dire qu'ils vous racontent que les plantes communiquent. Bon, et ceci dit, il y a des trucs troublants, hein, c'est-à-dire que bon. L'histoire des acacias. Voilà, l'histoire des acacias. Mais d'ailleurs, c'est un argument contre les véganes. Souvent, aux gens qui sont végétariens ou végétaliens, il y a toujours un con qui lui dit mais alors la carotte, quand tu l'arraches, elle crie, etc. Ça, on l'entend sans arrêt. Alors, jusqu'à preuve du contraire, je suis d'accord avec Pierre. C'est pas prouvé qu'il y ait des cerveaux, deux cerveaux, donc de la souffrance chez les végétaux. Ça pose la question des insectes. Alors, apparemment, les plantes développent des stratégies, les végétaux développent des stratégies de défense, y compris des stratégies collectives. Oui. Oui, ça veut dire qu'on est effectivement. Ça ne veut pas dire intelligence. Actuellement, intelligence, on le lit entre les deux. Souffrance aussi. Très probablement, c'est typiquement. Regardez, le cas classique et qui est connu, c'est le cas des fleurs, hein, la pollinisation des fleurs. Bon, on fait là. Vous vous rendez compte qu'une fleur, ce n'est pas fait pour l'homme, vous trouvez ça joli. Hein, d'autant plus qu'on ne voit pas la moitié des couleurs. Hein. Alors, les animaux voient les ultraviolets, et ils ont une palette à peu près le double de ce qu'on a. Donc, ce n'est pas fait pour nous, c'est fait pour les insectes. Pourquoi? Parce que les insectes sont attirés, prennent le pollen et puis ensuite le transportent sur une autre plante et comme ça favorise. Donc, vous avez eu deux époques en simplifiant des plantes, c'est-à-dire les plantes qui se débrouillaient comme elles pouvaient, c'est-à-dire avec le vent qui emportait le pollen et qui le transportait. Et puis, vous avez les plantes intelligentes, entre guillemets, hein, puisque moi je pense que ça s'appelle l'intelligence, qui ont trouvé l'astuce de attirer avec des couleurs, avec des fleurs, des insectes qui viennent se poser. Et alors vous avez les orchidées de chaque espèce mime un insecte particulier et qui a un terrain d'atterrissage déjà préparé avec des poils qui sont pareils que ceux de l'insecte hein, qui est mimé et avec des odeurs aussi identiques. Donc, alors, vous allez me dire, mais c'est la plante qui a le cerveau qui réfléchit à ça. Non, justement, c'est l'application de Darwin, c'est-à-dire il y a une sélection qui fait que seulement ce qui marche se transmet. Et donc, à la fin, vous avez un truc qui est parfait. En informatique, c'est pareil, il faut que les il copie d'ailleurs ce système. Excusez-moi. Désolé, il y a le temps. Je vous en prie. En tout cas, vous comprenez bien. Enfin, c'est pas un problème d'intelligence. Ça montre bien d'ailleurs qu'il n'y a pas besoin d'intelligence pour que le système darwinien fonctionne. C'est-à-dire qu'il suffit que chaque fois, parmi toutes les possibilités, celle qui marche reste et les autres soient éliminées, et vous devenez après un truc hyper adapté, et vous allez dire ah, c'est la preuve que Dieu existe. Non, moi je ne dirais pas ça pour mes arbres, mais j'aime bien la forêt et j'aime bien les arbres. Et j'ai remarqué qu'il y a, par exemple, un chêne dans Borély, il a les branches qui tombent comme ça, et dans le livre, j'ai vu que le chêne, il aime bien les cyprès. Ben ça fait rire. Ça me fait rire moi-même aussi, d'avoir envie de voir ce chêne qui a les branches qui va vers ce cyprès, comme ça. Alors que finalement, il est, c'est pas logique parce que le vent de la mer, il y va contre, il devrait être tendu de l'autre côté. Pour moi, c'est dans mon film. C'est-à-dire qu'on prête, on plante des sentiments humains. Voilà. Mais vous avez des trucs, on a il y a des gens qui manifestement connaissent l'histoire de l'acacia. L'acacia. On a, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent là, oui. Non. Je raconte rapidement. Les acacias, en Afrique du Sud, normalement, ils sont dans la nature séparés les uns des autres, etc. Et les antilopes les mangent leurs feuilles. Mais quand les acacias sont attaqués par les antilopes, ils produisent des terpènes, c'est-à-dire des substances qui les rendent immangeables. Donc, les acacias se défendent contre les antilopes pour ne pas être mangés. Alors, il n'y a pas besoin qu'il y ait un cerveau, là, simplement, il y a un truc réflexe. Et après, deuxième niveau de l'acacia, c'est que en Afrique du Sud, il y a des gars qui vendent, qui élèvent des animaux sauvages comme vous élevez du bétail. Et donc, ils mettent des grillages et ils séparent les forêts d'acacia, enfin les arbres, ce qui fait que vous avez des antilopes qui sont coincées dans une zone, un enclos, où il y a des acacias. Mais comme c'est petit, ils mangent les feuilles et puis elles meurent de faim parce qu'il n'y a plus rien à bouffer. Alors on s'est dit, c'est quand même bizarre, il y a des gars qui ont remarqué ça, qui se sont dit, mais comment expliquer? Et en réalité, les acacias transmettent aux autres, par des gaz, là, par l'air, ils transmettent le même message qu'ils ont pour eux, et tous les acacias du coin deviennent dégueulasses à bouffer. Et donc, si vous êtes coincé, vous crevez, mais si vous êtes dans la nature, vous allez plus loin. C'est fait pour repousser les herbivores. Donc c'est difficile de ne pas faire anthropomorphisme avec des trucs comme ça, parce que ça va être tellement sophistiqué que vous dites, c'est pas possible, la cassée, il a le cerveau. Oui, moi, il y a un truc qui me travaille un peu, c'est, je ne sais pas ce que Darwin dit par rapport à ça. J'ai envoyé une mission, on a expliqué, c'est-à-dire que si les hommes sont plus égaux, nous sommes évidemment plus différents. Et parfois, un individu peut conserver la trace très très lointaine de quelque chose qui avait dû servir il y a fort longtemps et qui apparemment ne sert plus parce qu'on se dit, bah, tiens, regarde, mais tiens, il a ça, par exemple, il a une vertèbre surnuméraire, je ne sais pas, ou il a tel gène qui n'a aucune utilité, qui ne sert à rien. Donc, c'est un reliquat peut-être de notre corps très ancien, préhistorique, qui est peut-être reptilien, on n'en sait rien. Bon. Et dans certaines conditions nouvelles par rapport à des maladies qui apparaissent, il y a des scientifiques qui ont dit, mais grâce à ça, ces individus ont survécu, alors que les autres sont morts. Grâce à ce truc qui apparemment n'a pas servi, ça n'avait à rien, on ne pouvait pas. Voilà. Tiens, lors de cette occasion précise, les gens qui avaient ça, ils survivaient. Est-ce que. Et je ne sais pas dans quel. Qui en a parlé de ça, qu'il a constaté, et dans quel. On pourrait dire beaucoup de choses, mais un truc récent, là, qui vient d'être montré, c'est que par exemple, d'une part, bien que les néandertaliens, on a tous des gènes des néandertaliens qui sont restés et qui nous donnent des capacités pour résister à certaines infections. Et si c'est séparé, c'est 3% chez chacun, mais ce n'est pas les mêmes. Donc, tout réuni, vous arrivez à 30% du patrimoine héréditaire des néandertaliens qui existe alors que les néandertaliens n'existent plus. Donc, par exemple, les gens qui habitent dans le Tibet, les Sherpas, qui montent à ces différentes altitudes, eh bien, ils sont évidemment incroyables parce que nous, on est obligé de prendre un appareil, alors qu'ils y arrivent, et en réalité, il semblerait que ça vienne du patrimoine héritaire des néandertaliens. Donc, vous voyez que ça. D'autres races. Oui, il y a plusieurs hypothèses. Parce qu'actuellement, c'est une bouteille à l'encre. Les préhistoriens ne savent plus. Ils savent même plus ce qu'est un homme. C'est-à-dire que. Là, oui, parce que. Est-ce que alors, ils ont dit que les néandertaliens sont des espèces différentes de Homo sapiens. Puis même, on s'aperçoit qu'ils se sont croisés. Mais pas beaucoup. Donc, c'est déjà un autre problème. Après, on trouve le Denisova. Le Denisova, c'est on a trouvé une phalange du doigt. d'un bonhomme, et par la génétique, par l'ADN, l'analyse de l'ADN, on s'est rendu compte qu'il n'avait rien à voir avec les autres hommes. Donc c'est encore, on n'a que ça, mais on sait que c'est un autre homme. Après, on a des gens incroyables qui ont existé à la même époque de moins de 42 000, là où il y avait 5 à 7 hommes. C'est pour ça que j'ai dit 5 à 7, parce que on ne sait pas dire si c'est des hommes ou pas. C'est peut-être des sous-espèces d'Homo sapiens ou une autre espèce. Actuellement, c'est tout en débat. Actuellement, ils vous trouvent un homme tous les 6 mois en ce moment. C'est dingue. Est-ce que la souche, à l'origine de l'origine est unique ou pas du tout? Il y a une souche unique au départ, comme d'ailleurs même Darwin avait déjà compris qu'en réalité les plantes, les amibes, les champignons et les vertébrés ont une seule origine. Et c'est pareil pour les humains, c'est-à-dire que tous les humains partent d'un seul. C'est simple, mais il y a eu des tas de branches, et puis il y en a une qui arrive à se développer, mais parfois il y en a qui restent en parallèle. Comme les Néandertaliens et nous, qui sommes à l'origine sur la même branche d'Homo erectus, mais qui nous séparons, mais manifestement, alors c'est ça le grand problème de l'avenir, c'est-à-dire d'un an ou deux, hein. Certainement ils vont trouver la solution, et manifestement, c'est bizarre qu'au fur et à mesure que l'Homo sapiens avance, Néandertal disparaît. Donc manifestement, il y a de plus en plus de gens qui passent simplement. J'ai commencé, mais je parlais des... Oui, alors l'homme de forêt, ça c'est dingue. C'est un bonhomme qui faisait un mètre, et qui avait un cerveau gros comme une orange. Et il était l'île de Flores, c'est une île qui est près de Java, hein, donc à l'autre bout là-bas. Quand on l'a trouvé, qu'est-ce que c'est ce bonhomme, un mètre? Alors, d'ailleurs, son surnom c'est le Hobbit. Et donc ils se sont dit c'est pas possible. Alors il y a eu des gars qui ont dit non, il est malade, ce sont des gnomes, ce sont des nains. Bon, en fin de compte, maintenant on sait qu'il n'était pas malade, mais c'était un homme à part, hein, mais qui dépendait, qui était manifestement, d'après les derniers résultats, il viendrait d'Homo erectus, pas d'Homo sapiens, hein. Il vient d'Homo erectus, il est arrivé sur cette île. Et quand vous arrivez sur une île, il y a un problème de nanisme insulaire. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, sur les îles de Méditerranée, il y avait des petits éléphants qui faisaient un mètre, parce que vous n'avez pas assez de place. Et donc, ça sélectionne des petits individus, parce que vous pouvez être plus nombreux sur la même surface. C'est pour ça. Sauf les Galapagos. Galapagos, quoi. Vous avez des tortues absolument, des iguanes absolument, là où Darwin a... Oui. Hein, c'est un cas un peu particulier. Non, c'est la suite logique. Mais en fait, moi, je n'étais pas entré parce que c'est le problème de l'évolution insulaire. Dans l'évolution insulaire, vous n'avez pas que des nains, vous pouvez avoir des géants. D'ailleurs, en réalité, vous avez plus les pressions sur les continents, vous avez les pressions des prédateurs qui font que, par exemple, un gros rongeur, ça ne peut pas exister parce qu'il se fait bouffer. Et qu'un petit éléphant, ça ne peut pas exister parce que le tigre ou plutôt le lion qui va le bouffer. Mais sur une île, comme vous n'avez plus une bonne partie des prédateurs qui sautent, vous pouvez avoir des rats, c'était le cas d'ailleurs sur les îles Méditerranée, des rats géants et des éléphants nains. Parce qu'en réalité, ils s'occupent que du coin et ils s'adaptent à une nouvelle situation. Vous avez compris, je ne sais pas si j'ai expliqué. Juste une information par rapport à l'intelligence des arbres. Il y a un film qui s'appelle précisément L'intelligence des arbres qui passe dimanche aux variétés à 14h. Ce dimanche-là. Ouais. Avec débat ou... Ça donne quoi qu'il passe. La première fois, il y a eu un débat. Et là, je ne sais pas si dimanche, ils refont aussi avec un débat. J'ai pas été voir le film, je sais pas si je vais y aller, mais enfin, en tout cas, quand c'était archevêque, ils ont fait deux salles et ils ont refusé. S'il n'y a pas plus d'intervention, on va quand même continuer le dialogue avec Pierre, qu'on remercie encore une fois d'être venu. Merci. Merci à vous aussi de votre participation, de votre venue et de votre participation. Donc, on discute autour d'un verre, bon, il y a de quoi grignoter et boire, c'est un prix libre, c'est suivant. Et je vous rappelle que les bouquins de Pierre ne sont pas disponibles dans notre point librairie, mais que vous pouvez les commander chez tout bon libraire, à Maupetit, à Transit, où vous voulez, vous les aurez sans problème.